Dieu ne veut pas au-dessus de tout. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Avalis, amen. Avalis, amen. Avalis, amen. Amen. Amen. Avalis, amen. Amen. Avalis, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Mokote ako kamina yo, mokote ako kamina yo, mokote ako kamina yo, Yahweh, mokote ako kamina, mokote. Mokote. Kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna. Sive te fwa nananange, mosive te fwa nananange, mosive te fwa nananange, Yahweh, mosive te fwa nananange, mosive te fwa nananange, mosive. Mosive, mosive, il n'y a point de Dieu comme ceci. Il n'y a point de Dieu comme ceci. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. L'infatigable Syria Olivier Angoran, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère, bonsoir frère. Comment ça va aujourd'hui? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Amen. Le frère Eden, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à la fois, Junior. Comment va la petite chatte la plus camerounaise des Ivoiriens? La grâce de Dieu va bien ici. Sa maman, va bien. Sa maman également va bien. Tout le monde va bien par la grâce de Dieu. De l'autre côté, mon frère est Paul Espérance, la soeur Christine et le frère Guessan Serge sont ensemble avec le ventilateur malgré la chaleur. Comment vous allez de l'autre côté? Bonsoir frère. Bonsoir. Bonsoir. Je suis content. Il fait beaucoup chaud. Oui, il fait chaud. Moi, je vais à peine arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le frère Thierry, bonsoir et bienvenue. Salut, maman. Bonsoir, ça va? Oui, ça va bien. Que le Seigneur te bénisse. Si votre vidéo, si la bande passante, si la connexion est lente, c'est mieux de couper la vidéo de ton côté. Le frère Yaouji, bonsoir et bienvenue. Voilà, c'est lent, c'est ça. Oh, mon bien-aimé, Yann. Oui, frère bien-aimé, salut les frères. Ça va? Ça va, Denis. Comment va madame et les enfants? T'es pas passé à la machine, je te frappe. Bien, mon frère, ça va ici. Ça va bien, mon frère? Madame Jules va très bien avec les enfants, tout va très bien ici. Gloire au Seigneur. Alors, la soeur. Assez tout, Aïdra. Bonsoir. Bonsoir, frère. Ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. La méditation est déjà bien, n'est-ce pas? Oui, ça va, la méditation, ça va, frère. Ça a bien commencé. La sœur Audrey, ma sœur bien-aimée, bonsoir et bienvenue depuis Boaké. Non. La sœur Audrey, elle est là. Qu'est-ce qui se passe du côté de Boaké? Mardoché Kwame, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère. Toujours en pause. Comment tu vas ce soir? Tu es de quel côté d'Abidjan? Tu es à Yopougon, donc tu n'es pas loin alors du frère Olivier. Mais ta connexion n'est pas bonne, mais pas ta vidéo. Tu nous vois, n'est-ce pas? Oui. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Mon frère Serge, ça va? Comment va madame? Oui, madame va très bien aussi. Et les enfants aussi. Ok, que le Seigneur te bénisse. Quel que soit ce qui arrive, ne panique pas, d'accord? D'accord. Ne panique pas, même si y a n'importe quel rêve qu'on raconte, ne te fie pas sur ces rêves-là. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il y a quelque chose sur la Côte d'Ivoire, je ne sais pas pourquoi il y a cette pression aussi sur la Côte d'Ivoire, qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. Il faut prier pour Henri Conan Bédier. faut prier pour lui, prier pour que ces choses-ci, vous voyez, vos dirigeants qui vont dans les forêts pour faire des sacrifices, appellent des gens pour aller faire des choses pour le pays. C'est pas bon ça. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Amen. Le frère Thierry, si tu m'entends, frère Thierry, ferme ton micro. Comment ça? Thierry, ferme ton micro, ferme ton micro. Si vous êtes dans une zone, dans une... le frère Paul Espérance, sa maison est calme, donc il peut ouvrir son micro. Vous qui êtes dans des zones qui c'est là où c'est bruit, il y a beaucoup de bruit. Surtout le frère Yao, souvent il est dans les zones un peu de bruit. Madoché et Thierry, fermez les micros, comme ça on n'a pas de, ça n'a pas dérangé. Donc il y a quelque chose sur votre, certes c'est mon pays, c'est pour ça que ça me touche comme ça. Henri Conan Bédier, Guillaume Soro. Donc priez pour que Dieu dévoile les auteurs des assassinats. Ça c'est un. Ça ce sont des coups bas. Il y a des tractations qui se passent là-bas au milieu. Et puis les gens vont dans la forêt pour essayer de chercher des choses. Pour faire des torts à l'un à l'autre. Voilà. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Donc il y a une guerre de succession là qui se prépare chez vous là-bas. Et les gens sont partis dans la forêt. C'est pas bon. On a envie d'attirer seulement l'opprobre sur le pays comme ça. On amène les marabouts. De votre voisinage, des voisins de votre pays pour travailler dans les forêts. Ils ont des choses, des pratiques, c'est pas bon ça, c'est pas bon. C'est vrai que c'est pas seulement dans votre pays qu'on fait cela, mais ça, c'est un mauvais signe qu'elle est arrivée. Au lieu de se retourner pour faire la paix, chacun veut aller de son côté parce qu'on veut se positionner. C'est pas bon ceci, c'est pas bon. Donc il y a ces choses-là, ça, si ça ne va pas, si ça dérange, vous aurez encore des militaires à votre pouvoir. C'est pas bon ce qui est devant. C'est pas bon, les militaires vont se lever. Si ceci arrive, les militaires vont se lever encore et voilà encore des choses, l'état d'urgence avec les choses qui vont encore arriver. Vous devrez vous en sortir cette fois-ci. Donc prions pour la Côte d'Ivoire. Il y a une ligne jaune qui traverse la Côte d'Ivoire. Ça c'est une alerte. Je crois que je vous ai écrit ça sur le forum pendant que j'ai commencé là. Je sentais cette pression à venir de la Côte d'Ivoire. Je vous ai écrit ça dans le forum, n'est-ce pas? Les frères de la Côte d'Ivoire, vous êtes fâchés de le dire pas comme ça là. Vous m'entendez bien? Oui, frère, on t'attend. N'est pas fâché, on a fermé le micro. Ok. Ce sont des gens qui sont dans les zones où il y a des problèmes qui ont des bruits là, qui doivent fermer le micro. Voilà donc. Et suivez l'ouest de votre pays. L'ouest de votre pays doit être suivi dans la prière. Et souvenez-vous, pendant qu'il était là-bas, il parlait de l'inondation. Si c'est une inondation, c'est quelque chose d'historique là-bas à Abidjan. Donc ça sera fort. Priez seulement. Priez. C'est au point où ça va transporter des voitures, frapper même sur des murs, frapper sur... C'est quand même terrible ce qui arrive là. À Côte d'Ivoire. À Côte d'Ivoire. Frère Sèche, ça va? Non, il n'y a pas de bruit chez vous. Ouvrez le micro. Ceux qui n'ont pas de bruit... Yeah. Faut ouvrir le micro. D'accord. Oui, je vais bien, frère, je vais bien. Frère Paul Espérance, ça va toi? Oui, ça va. Que le Seigneur, vous bénisse. Quand je parle de votre pays, vous n'êtes pas, vous comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Mon frère. Oui, frère, comprends. On comprend ce que tu dis. Voilà. Donc pour Henri qu'on a baigné, c'est une maladie. Ça, quand il demande de prier pour lui, c'est une maladie. Ça, c'est le poumon à l'intérieur avec cette chose là. Donc il le voit prendre quelque chose, il y a une fumée qui sort de lui. Cette fumée lui cause des problèmes. C'est pas bon. Voilà. Voilà. J'ai pas dit ce que tu voulais dire tout à l'heure. Oui, Serge. J'ai pas dit ce que tu voulais dire tout à l'heure. Le personnage qu'on a dit. Oui, frère Serge dit quoi? Oui. Oui, en fait j'ai fait cette remarque là aussi. Parce que, il y a deux jours de cela, oui. Il y a une délégation qui est venue secrètement, oui, dans la ville de Toumoudi, la ville où je suis, à Toumoudi, à l'intérieur du pays, là, pour rencontrer une dame qui est pratiquement élevée dans la politique, dans la ville. Oui. Et c'est lui qui est venu. C'est un chef de guerre qu'on connaissait dans la crise ivoirienne. Oui. Voilà. Donc, quand il est venu, il ne retrouvait pas la maison. Oui. Il était en délégation. Comment? Il était en délégation, en cortège. Non, pas en cortège même. Peut-être pas en cortège. Pas du tout en cortège même. Oui. Il était discret. Ouais, très discret même. Donc, quand ils sont arrivés, dans le véhicule tout teinté là, une 4x4, le chauffeur qu'on appelle, il ne retrouvait pas la voix. Le chauffeur ne retrouvait pas la voix. Donc, j'étais là et il s'est adressé. Voilà, à moi et aux autres qui étaient à côté, si on connaissait où habitait cette dame-là, oui, que tout le monde connaît, voilà, dans la vie, voilà, en tant qu'une femme politique. Oui, et tu as remarqué ce chef de guerre, n'est-ce pas? Je le connais très bien, je connais bien son nom. Donc il y a un guerre de succession qui va s'engager dans votre pays. Vous devez vous lever dans la prière. Le frère Marcel Ajou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Pogino. Ça va? On n'a pas encore commencé, d'accord? Je suis en train de parler. Je suis en train de parler de ton pays. Frère Junior, s'il vous plaît. Oui. Bon, j'aimerais bien saisir un peu ce que tu as dit concernant Harry Konabedje. Harry Konabedje, je parle d'une maladie qui va frapper au point où ça va la transporter à l'hôpital. Il faut prier pour lui, pour son âme. C'est de ça dont je suis en train de parler. Donc c'est de ça dont je suis en train de parler. Ah, d'accord. Donc ce sont des choses distinctes dont je suis en train de parler. Je vais encore réitérer pour que vous saisissiez. Je suis en train de dire, il y a des gens qui vont dans des forêts pour faire des choses, des sacrifices. Ceci c'est dangereux parce que c'est des sacrifices humains. Il y a des gens qui ont disparu, des sacrifices humains qui sont faits dans des forêts. Ça, ce sont des gens hautes positionnés. Ça c'est un. Frère Olivier Angora, tu m'as suivi? Oui. Il peut passer au deuxième maintenant. Oui, tout à fait. Il y a des groupuscules donc qui se réunissent maintenant parce qu'il y a la guerre des successions qui sont annoncées. D'accord? Oui. Ceci va amener des tentatives d'assassinat dans les Kouba. Donc priez pour cet homme-là que vous appelez Guillaume Soro. C'est tout ce qu'il peut dire pour le concernant. D'accord? Parce que les enjeux et les prétextes qui sont autour de lui. Que Dieu dévoile toutes ces choses-là. La deuxième chose maintenant, c'est de l'autre côté, l'autre partie, là, ce monsieur-là, il y a des fumées qui sortent là. Il a des problèmes à l'intérieur. D'accord? Ouais, Henri Konabedje, il peut citer le nom, je suis loin, même s'il vient dans votre pays, c'est mon pays aussi, n'est-ce pas? Amen. Donc il y a des guerres de succession. Alors, si ces choses, si ça se passe, si les gens se lèvent la tête et que vous entendez ces choses, je vais vous dire prier parce qu'il y a deux voies qui sont tracées au devant de vous. La voie de la réconciliation où les gens sont sincères et la voie où chacun commence à aller dans son camp en allant formant ses groupuscules pour faire la guerre à l'autre. Si ces deux options-là s'est levée, vous serez encore sur un régime militaire. Donc faites attention. Là, vous devrez être dans le repos. Voilà. Donc ceci, c'est à cause de ces faux prophètes qui se trouvent d'abord dans votre pays. C'est le Saint-Esprit-là qui règne là-bas. Voilà. Mais frère Junior, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut lier à cela, parce que dans ce temps-ci, ce qui est beaucoup récurrent en Côte d'Ivoire, c'est les assassinats des enfants. C'est-à-dire que les crimes rituels, les assassinats des enfants qui sont des phénomènes très récurrents dans ce temps-ci-là. Est-ce que vraiment ce que tu as dit là, vient un peu à ça? Ceci est différent. Je parle de ceci parce que ce sont des chefs de ces pays qui ont invité des gens de l'extérieur de votre pays pour se réunir dans des forêts pour faire des sacrifices. Pour pouvoir subjuguer ceci, écoutez très attentivement, amis ivoiriens, écoutez très attentivement. Ceci, c'est pour subjuguer tout le peuple de Côte d'Ivoire à se soumettre, que vous soyez comme des robots en disant oui, oui. C'est terrible. C'est vrai, on dit, ce sont des choses qu'on fait pour que quand ils disent des choses, vous acceptez, que les gens soient soumis. Ça, c'est très grave ce qui arrive, parce que ça amène des ténèbres sur le pays. Où sont les prophètes de la Côte d'Ivoire? Où sont les prophètes de la Côte d'Ivoire pour que ces choses se passent dans vos forêts et personne ne se lève dans la prière? Qu'est-ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire? Donc c'est mauvais. J'avais dit dans un enseignement que le trône, ce qui arrive en Côte d'Ivoire, ces choses, c'est à répétition où quelqu'un entre, l'autre veut venir sur la chaise du président, la présidence, c'est que le premier trône, ce que vous considérez comme le père de la nation, ceci s'est passé avec des assassinats. Le trône a été haut avec des sang innocents. Il dit cela. Et la seule chose à faire, c'est sans l'arrêt de crier. Si cette réconciliation n'est pas faite de la bonne façon, de la façon que le Seigneur veut, quelqu'un montera là-bas, il y aura une autre chose encore qui va revenir de la même façon. Personne ne restera en paix là-bas. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Regarde ce qu'ils sont en train de faire dans la forêt. Côte d'Ivoire. Le frère revient encore, tu m'as suivi? Oui, tout à fait, frère. Il faut prier pour que Dieu expose tous les plans de l'ennemi. C'est vrai que tous là sont coupables devant. Il faut que quelqu'un sorte de l'extérieur. Alors, voilà, je crois que si vous avez des questions plus profondes à poser, posez les questions, mais avant que je n'entre dans notre direction. Le frère Marcel, ça va? Bienvenue. Tu es de quel côté? Abidjan toujours ou bien à Boaké? Je suis d'abord à Bobo. Tu es à Bobo? Ok. La sœur José, bonsoir et bienvenue. Je crois que j'ai pas entendu la voix d'Audrey aujourd'hui. Audrey, bonsoir et bienvenue depuis Boaké. Vous parlez de Boaké. Ah mon Dieu, c'est quelle ville encore là-bas, Boaké. La sœur José, bonsoir et bienvenue. Bon, je crois que son micro est certainement fermé. Et là, c'est Audrey, si nous en avons. Ben voilà, je crois qu'il y a un retard plutôt. Un retard dans la transmission. La sœur Audrey, si tu nous entends, ton micro est fermé. Peut-être tu as des paroles, on ne t'entend pas. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions ce soir, s'il n'y a pas de sujet de prière, mais quelqu'un a besoin de prier, c'est qui m'attire ici comme ça? Qui est-ce qui m'attire là? Voilà. La sœur José. Tu penses que c'est le moment que tu t'es marié? Pardon? Parle-moi du mariage. Mm-hmm. Elle m'entend celle-là? Oui, allô? Oui, parle-moi. Oui, je suis là. Parle-moi du mariage. Le mariage? Oui. De manière générale ou en milieu chrétien? Ça, c'est toi. C'est de toi dont c'est les questions. Non, je demande en milieu chrétien de manière générale. Non, je ne parle pas pour les chrétiens, pour toi. Pour moi? Oui. Bon, pour moi, le mariage. Non, suis bien ma question. Je te parle de ton mariage. Parle-moi de ton mariage. Hein, de mon mariage? Oui. Bon, elle ne veut pas parler, donc je passe, oui, on passe à autre chose. Donne-moi des questions. Allô? Oui, tu m'entends bien? Oui, j'ai dit peut-être que je ne comprends pas bien, donc posez-moi des questions pour qu'elle puisse répondre. Je parle des pensées du mariage. Qu'est-ce que tu penses du mariage, ton mariage? La sœur assez tout ça va avec ton mari, c'est comment? La méditation calme le cœur, n'est-ce pas? La sœur assez tout, si tu nous entends, ton micro est fermé, c'est tellement à répondre. Frère, je voulais te demander un truc. Demande-moi un truc. Moi, je t'ai demandé un truc, tu n'as pas répondu. Demande-moi. Ça va avec mon mari, ça va. Avec la méditation, ça va maintenant. Oui. Il faut avec douceur. Bon. Il faut voilà. Avec douceur répondre à ton mari. Il veut m'obliger à porter la bague. Il me dit forcément de porter la bague. Après le mariage, j'enlève la bague. Mais où est je ne sais le pas si mais c'est normal. Où est le problème alors? Comment tu vas faire la mairie sans bague? Ah, merci, frère. Remets à César, remets à César ce qui sera, ou bien remets à la mairie ce qui est à la mairie, d'accord? Et oui, frère, j'ai compris. Merci beaucoup. Voilà, la sœur José, sa connexion est instable là. Voilà, des questions de ce côté. Mais le frère Serge, vous êtes dans quel quartier là? Gonzagueville. Voilà, Pogwe Gonzagueville. Pogwe. La sœur José, ta connexion est instable. Pourquoi ça dérange comme ça? Voilà, je suis à vous maintenant. On peut commencer. Souvent, vous priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour la Côte. Mon pays, ça, pour moi, ça me dépasse ici, là. Donc, c'est pas évident. Partout, là. C'est pas évident du tout. D'accord. Bon, bonsoir. On peut commencer maintenant. Vous avez remarqué que petit à petit, normalement, vous êtes habitué à la chose de Skype maintenant. C'est un peu plus stable maintenant, n'est-ce pas, Frédin? Avant, c'était le désordre, il y avait des bruits. Maintenant, on a compris le principe. C'est ça. Oui. Et quand bien même on ne travaille pas, je vois ce que vous communiquez dans le forum. Que Dieu vous bénisse. Exhortez-vous toujours les uns les autres et surtout restez dans l'amour tel que vous le faites. Merci pour le soutien que vous avez amené à la sœur Audrey. J'ai suivi et j'ai observé tout ce que vous faites. Et pour l'autre sœur également, pour tout ce que vous faites, pour l'assistance que vous faites. Chaque fois quand vous le faites, c'est un point de l'amour que vous marquez dans votre cahier des charges devant le Seigneur. Souvenez-vous. Et chaque fois quand vous faites cela, vous faites ça pour le Seigneur et au Seigneur que vous le faites. Ne murmurez pas en faisant n'importe quoi. Si vous faites n'importe quel geste, vous sentez les murmures sur votre cœur. Ne vous avancez pas. Ne vous avancez pas en faisant cela. Restez tranquille hors de cela. Faites n'importe quoi avec l'expression de l'amour. Que l'amour sorte de votre cœur. D'accord? Voilà. Alors que le Seigneur vous bénisse. Aimez-vous toujours les uns les autres comme vous le faites déjà. Assistez-vous les uns les autres. Parce que les chrétiens ont besoin d'aide. Et les aides, ils ne vont pas aller chercher les aides chez les païens. C'est chez vous. Vous devez vous entraîner. Des situations peuvent vous aider. Vous vous trouvez quelque part hors de cadre de votre maison, hors de cadre de votre ville, de votre pays. Vous voyez, certains groupes de personnes sont réfugiés. Même le Cameroun. Je suis au Cameroun. Il y a au moins 20-25 000 personnes du Cameroun qui se trouvent comme réfugiés au Nigeria. Pendant ce temps, du côté du nord du Cameroun, il y a des gens qui se trouvent réfugiés. Donc, ces déplacements-là qui sont causés comme ça, personne ne peut plus être stable dans sa propre maison. Parce que des situations les ont poussés à se déplacer. Donc, chacun peut être dans la difficulté à tout moment. Ce qui veut dire qu'on doit savoir manifester la miséricorde. D'accord, mon frère, préparez-vous à vivre les échanges, à vivre l'amour. Alors que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis à votre service. Il n'y a pas... La soeur qui vient d'entrer là. Bonsoir, bienvenue ma soeur. Oui, ça va, Mmh. Ça va bien. Voilà, la Saint José, tu es encore revenu. Ta connexion n'est pas du tout bonne. J'aurais souhaité te vraiment. Le frère Marcel, ton micro est ouvert. Daigne couper ton micro si tu ne veux pas parler. Et maintenant, si quelqu'un veut poser des questions, je suis à votre service ce soir. Posez votre question. S'il n'y a pas de questions, on entre dans les Saintes Écritures. On voit un sujet là, maintenant. Le frère Eden, ton épouse, ouais, est-ce qu'elle est? Dis-lui bonsoir de notre part. Ouais, elle n'était pas entendue. Hein. Dis bonsoir à ton épouse aussi de notre part, du Cameroun. Ok. Mmh. Au frère, on n'est pas ensemble. Moi, je suis à la Kumasi et elle est restée à Pauwé. Amen. Tu lui dis bonsoir, n'est-ce pas? Allez, je vous attends maintenant. Question. S'il n'y a pas de questions, vous permettez les gens dans les écritures. Frère Paul, vas-y, pose ta question quand tu quittes et t'arrodes l'esprit là maintenant. Mon frère, c'est une question qui me tarante depuis que je vous ai rencontré. C'est que aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont dans la détermination. Qui chaque jour pilule. Et depuis que j'étais connu, j'ai remarqué que tu corriges beaucoup de choses dans la dénomination, que la dénomination forme. Mais je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui et c'est maintenant que vous apparaissez pour dénoncer certaines choses dans la Bible? On apprend aujourd'hui que Jésus-Christ n'est pas ressuscité un dimanche, que le dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur, que c'est le samedi qu'il a été ressuscité, vous l'avez démontré. Aujourd'hui, on apprend que l'Église n'est pas le temps physique que nous connaissons, que l'Église, c'est le temps, que l'Église, c'est le corps, c'est le chrétien lui-même, et beaucoup d'autres choses encore. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui, vous venez de dénoncer cela, alors qu'on a traversé des siècles? Est-ce qu'il y a une urgence? Et pourquoi c'est maintenant que vous dénoncez toutes ces choses-là? Alors qu'on a vu des docteurs qui sont nés

celles qui sont dans le lieu et celles qui sont dans les cieux et celles qui sont dans la terre. Voilà, c'est bon, merci. Il y a un bruit chez quelqu'un, il y a des enfants qui font du bruit. Je ne sais pas si c'est chez le frère Paul. Il y a un bruit qui résonne, je ne sais pas. Le temps de, pour moi de dire bonsoir au frère Jacques Bissan qui vient d'arriver. Bonsoir, c'est depuis le Togo, c'est ça? Oui, c'est depuis le Togo. Bonsoir frère, bonsoir à tous les frères, à toutes les soeurs. Tu nous vois maintenant, n'est-ce pas? Oui, je vous vois maintenant, c'est très bon. Tu as souhaité cette réunion, c'est temps, maintenant tu y es. Sérieusement. J'ai voulu vraiment participer. Bon, j'ai jamais fait une réunion sur Skype, mais j'attendais sérieusement faire une rencontre comme ça. Et je me sens vraiment bien. Mais c'est soit tu as bousculé tout ton programme pour dire que tu ne dois pas rater ça aujourd'hui. Non, je ne dois pas rater ça. En aucun cas, je ne devais pas rater ça. Seulement, je ne savais pas que ça devait commencer tôt comme ça. Comme c'est à 21h. Je pense que c'est à 21h00, ça devait commencer. Oui. Bon, ça c'est 21h00, heure du Cameroun. Il se pourrait que nous ayons un décalage horaire. Ah, d'accord. Ok. Donc, ça veut dire que c'est à 20h. Donc, je ne sais pas quelle heure vous avez là-bas. Il est quelle heure chez vous? Il est actuellement 20h54. Donc, exactement, ça fait une heure de moins ici. Une heure de plus. C'est ça, d'accord. Alors, ça veut dire que c'est 21h du Cameroun, donc 20h, votre heure. Tu es au Togo, c'est ça, n'est-ce pas? Je suis au Togo actuellement, oui, frère. Raconte-moi. Actuellement, à Lomé. Comment ça va, Lomé, au Togo? Ah, ça va très bien. Et ça va vraiment très bien. Alors, donc, d'ici quelques jours, quelques semaines, je vais faire un détour par le Togo. D'accord, frère. Et on pourra se voir, d'accord? Dieu voulant. Ça serait vraiment très bon, très bien. Mais c'est une venue discrète parce qu'il vient pour un but précis, pour travailler pour quelqu'un précisément. D'accord frère. Ça, je vais vous attendre impatiemment même. Bon, tu es là maintenant, tu vois, il y a d'autres frères qui sont là, tu les vois, n'est-ce pas? Mais on ne te voit pas. Tu me vois moi aussi? Oui, je te vois frère. Je vois aussi, je vois d'autres frères, je vois les soeurs. Et je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à apparaître. Parce que tu n'as pas cliqué sur l'icône de la caméra. Clique sur l'icône de la caméra, tu vas pouvoir apparaître. La sœur José, il y a du bruit chez toi. Ferme ton micro avant de dresser le lit ou tu en as fait les pommes. Voilà. Donc, le frère Eden, suivez le frère Bissan, Jacques, pour qu'il essaie de se mettre sa caméra. C'est pas évident, il faut être patient les uns les autres, d'accord? Lorsqu'on ne connaît pas, il faut petit à petit le faire. Alors, commençons par la réponse à la question de notre frère, de notre bien-aimé frère. La sœur Audrey, maintenant, du côté de Boaké, tu nous entends? Vous voyez, sa connexion, là, c'est... Il faut retirer la... On te voit maintenant en vidéo. Enlève le... Débranche ton kit là à l'oreille. Tu vas entendre, ça va parler. D'accord? Débranche. Débranche ça du téléphone. La CO2, bonsoir. Allô? Maintenant, on t'entend là maintenant. Il suffit de débrancher, si ça va parler. Pas vrai? Oui, frère. Bonsoir. Allô, frère. Oui, on t'entend. On te dit bonsoir de ce côté-ci. Bonsoir frère. Oui, dis bonsoir. Bonsoir à tous. Dis bonsoir à la personne qui est à côté de toi. Tu lui dis que le Seigneur va la visiter, d'accord? Bonsoir frère. Bonsoir. Donc le frère Jacques, tu nous vois, tu nous entends toujours? Le Seigneur va te visiter. Voilà. Le frère Jacques, du côté de Lomé au Togo, tu nous entends? Je crois que le frère Jacques a dû plutôt appuyer sur son micro. Essaye de lui écrire en neuf pour l'aider dans ce domaine-là. Bon, maintenant, mon frère Paul, d'après ce que nous avons lu ici, en commençant dans le livre des Jean au chapitre 4, les versets 35 à 38, Jésus a envoyé ses disciples lui acheter des vivres au marché. En revenant, ils ont vu Jésus. Jésus leur donne leur dit, il y a une autre nourriture qu'il veut manger. Là, c'est audio. Ferme ton micro maintenant. Ça ne va pas brancher. Rebranche encore ce qui te coupe la ligne. Comme ça te coupe bien la ligne. Alors, le Seigneur leur dit, il y a une nourriture que je vais manger. Les disciples vont se poser la question de savoir si quelqu'un lui aura apporté le repas. Jésus leur dit, ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois avant la moisson, mais regardez, tournez-vous et regardez le champ, la moisson pointe à l'horizon. On va revenir sur ça dans un autre enseignement. Puis il leur dit quelque chose, que vous êtes entré dans le travail des autres. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit vous êtes entré dans le travail des autres. Parce que ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui a travaillé, autre est celui qui moissonne, autre est celui qui arrose. Donc ça veut dire quoi? Dans le plan du Seigneur, comme on a lu dans ce livre d'Éphésiens, chapitre 1, les versets 9 et 10, puis au chapitre 3, là, verset 3 jusqu'au verset 11, comme notre frère a lu, Dieu a un dessein, un plan, un but, quelque chose qu'il en est de construire. Et dans ces choses-là, il y a des gens qu'il a désignés plusieurs fois, j'ai dit dans les enseignements, que Dieu a un projet dans la tête depuis la création. Quand il avait ce projet, on l'appelle l'architecte, dans 1 Corinthiens chapitre 3. Lorsqu'il a ce projet, il a les gens qu'il a appelés pour ce projet-là. Dans Romains chapitre 8, la Bible déclare que, écoutez très attentivement encore cela, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc Dieu a un dessein. Le dessein là, c'est le plan, un but, un travail précis, quelque chose qu'il veut précisément. Il dit ceux-là donc qu'il aime, il les a appelés selon son plan. Donc Dieu a un plan, un objectif, quelque chose qu'il veut réaliser. Et donc, par prédestination, il sait donc toute personne. Il a choisi toute personne qui vont œuvrer là-bas. Moïse ne pouvait pas venir au temps de Noé. Abraham ne pouvait pas venir au temps de Moïse. Jacob ne pouvait pas venir au temps de Joseph, le père de Jésus. Chacun devrait être là. Vous voyez effectivement que lorsque la délivrance, le moment de la délivrance des Juifs en Égypte va se pointer à l'horizon, il va faire naître Moïse. La Bible déclare, si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 7, qu'en ce temps-là naquit Moïse. En ce temps-là naquit Moïse. Ce n'est pas un fruit de hasard. Moïse n'est pas juste né par des concours de circonstances. Il est là pour un but. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il fallait que l'apôtre Paul soit là. L'apôtre Paul devrait être là. Mais regardez dans Galates chapitre 1, verset 11 à 16, où il dit que, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, vous voyez? Quand on dit mis à part, ça veut dire réservé, préservé, prédestiné pour une œuvre dont Dieu, sachant que l'église devrait naître, a fait que la maman de Paul va, le papa de Paul épouse la maman de Paul. Ils vont ensemble, ils lui donnent un garçon mâle. Il grandit, il fait ses études, mais le but c'est d'atteindre cette œuvre-là, cette course qu'il va faire plus tard. Vous voyez, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, si vous lisez les versets 5 à 10, il dit qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète. S'il a établi prophète, il dit pour les nations. Alors, pour que tu arraches, voilà le but des prophéties. Alors, ça veut dire qu'il y a un bruit là. Ça, c'est chez le frère Olivier. Frère Olivier, coupe ton micro. Ça, c'est chez le frère Olivier, ça vient. Alors, quand je parle, vous m'entendez? Frère Olivier, coupe ton micro, si tu nous entends. Vous m'entendez, vous tous, vous m'entendez? Voilà. Alors, ce canal que Dieu va choisir, comme l'apôtre Paul, comme le cas de l'apôtre, comme le cas du prophète Jérémie, vous voyez qu'il doit être là autant opportun. Observez ce qu'il dit l'ange est venu pour annoncer la naissance de Zacharie. La Bible déclare que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né sous la loi. Vous voyez, n'est-ce pas? Lorsque les temps ont été accomplis, donc il avait voulu pour réunir toutes choses en Christ. C'est lui qui a le chronogramme, celui qui a le projet, celui qui a les temps de dispensation, celui qui a tout cela. Et l'apôtre Paul nous explique ici qu'il avait caché ces choses-là en lui. Mais maintenant, c'est révélé aux prophètes, aux apôtres qu'il a choisis. Maintenant, ça veut dire quoi? Dans ces choses-là, chaque personne, comme le livre des Romains chapitre 12, le verset 3 le dit, que chaque personne a reçu un don de mesure, la grâce là qu'il met au service des uns des autres. Et donc, Dieu a un programme. Remarquez que Martin Luther est venu. Si vous regardez, Martin Luther est venu avec la justification par la foi. Il ne pouvait pas avoir la sanctification parce que en ce moment-là, se trouvait sur le terrain. Écoutez très attentivement. En ce moment, se retrouvait sur le terrain la vente de l'indulgence catholique. Ça veut dire que les catholiques présentaient comme s'il fallait faire des œuvres pour être sauvés. Et là, le Saint-Esprit fait sortir Martin Luther. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Ça a permis la réforme qui a amené la dislocation entre l'Église catholique et tous les autres succursales de cette dénomination-là. Par la suite, va venir maintenant l'esprit de sainteté pour montrer effectivement qu'après la justification par la foi, on doit vivre dans la sanctification. Vous voyez cette œuvre-là, n'est-ce pas? Alors Dieu a quitté de l'œuvre humaine en passant par l'homme n'est pas justifié par les œuvres, mais par la foi en Christ Jésus. On a passé à cette étape-là. Après cette étape-là, après être justifié, on passe à une autre étape. Après la justification, il faut la marche dans la sainteté. C'est pas que vous saisissez. Après la marche de la sainteté est venu maintenant le mouvement de la sanctification. Vous voyez, il faut maintenant le scellement par le Saint-Esprit. Après ça, sont venus dans les autres mouvements maintenant que... Non. Le mouvement des dons ne sont pas passés. Le mouvement des dons ne sont pas passés. Est venu maintenant le mouvement de la manifestation des dons de l'Esprit. C'est pas ce que vous saisissez. On est en train d'aller à maturité. Mais maintenant, souvenez-vous de ceci. Ne ratez pas dans ceci. lorsque Dieu faisait mûrir et grandir la plante que les apôtres ont plantée dès le départ, il voyait les fruits et il attend les fruits. Dans Jacques chapitre 1, si vous lisez le chapitre 1 de Jacques, au verset 18 et suivant là, l'apôtre Jacques dit que il nous a engendrés. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte des prémices de ses créatures. Vous voyez? Donc, les premiers apôtres, les premiers chrétiens, les chrétiens des premiers temps sont des prémices. Un peu comme vous allez au champ, les premiers fruits qu'ils produisent, on les appelle les prémices. Alors, quand on parle des prémices, on suppose qu'il y a les fruits de l'arrière-saison. Quand ça va mûrir, ça sera plus abondant. Or, la parole qui a été plantée dès le départ doit aller en croissant. Et quand ça va aller en croissant, il faut donc les ouvrir. Et le Seigneur a dit dans Luc chapitre 10, à partir du verset 1, il dit, la tâche est tellement grande qu'on prie pour que Dieu envoie les ouvriers à sa moisson. Donc, ça veut dire que sa moisson n'était pas mûre. Et donc, là, il fallait qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Chaque prédicateur envoyé de Dieu est destiné pour son époque et doit être là à cet instant-là parce qu'il a une œuvre à accomplir. D'accord? Je ne pouvais pas venir longtemps avant parce qu'il fallait que certaines choses soient là. Si le Seigneur ne vient et que d'autres personnes vont encore entrer dans le travail et continuer jusqu'à ce soit parfait, parce que c'est lui, Jésus, qui a le plan parfait. C'est lui qui a le jour bien défini. Chaque personne entre seulement dans la mission et fait ce qu'il a à faire. Quand l'apôtre Paul a fini le combat, il a dit, j'ai combattu le bon combat. Mais me souvenez-vous, il a dit que je sais qu'après mon départ, s'introduiront. Donc, il savait effectivement que ce n'est pas encore la fin. L'église doit aller en maturité. Alors, je disais ceci, maturité était venue avec la justification par la foi. Les autres, Zwingli et autres, sont venus avec la sanctification, les autres là-bas. En ce temps-ci, Dieu, le mouvement, s'est retenu à la parole totale. Parce que la semence originelle doit se produire identiquement. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, la semence qu'on a mise en terre, d'autres pouvaient être de la tige, d'autres sont les feuilles, d'autres ceci, d'autres les fleurs. Ici, il faut le fruit. Donc, c'est l'église finale, définitive. Alors, c'est pour ça que vous allez voir effectivement que presque tout de la Bible est en train d'être corrigé. Tout ce que les gens ont fait est en train d'être corrigé. Pourtant, Martin était, malgré qu'il était avec la justification par la foi, avec des aspects catholiques là-dedans. C'est pour ça que vous pouvez voir l'église protestante aussi, presbytérienne, luthérienne. Aujourd'hui, vous voyez, si vous mettez Marie là-bas, ça devient l'église catholique totalement. Vous voyez? Alors, ça veut dire qu'on a des problèmes. Alors, c'est pour ça qu'ils sont restés. La plante, quand elle pousse, ne laisse pas les affaires mortes au-dessus. Les choses mortes doivent pourrir totalement pour que la nouvelle puisse venir. Mais le vrai problème, c'est que les gens ne veulent pas quitter leur vraie doctrine, leurs vraies choses humaines, les choses démoniaques pour pouvoir avancer. Ça me pousse à parler d'un sujet maintenant. Prenez garde à la séduction. Des questions, si vous le voulez bien, on partagera cela. Des questions, si vous avez des questions. Le frère Jacques, ça va avec ta vidéo maintenant? Je crois qu'il voit la vidéo retirée là maintenant. Alors, j'attends des questions. Mon cher... Allô? Oui. Allô, frère Junior? Oui. Oui, mon frère. Qui parle? Oui, je suis le frère Yao Jules, comme tu le sais là. Voilà. Ah, c'est oui, le frère Yao Jules, le frère Yao Jules. Ok, oui, parle-moi. Vous m'attendez? Oui, c'est vrai. Voilà, que... en tout cas, ça me fait un peu mal parce que oh, la connexion n'est pas vraiment tout à fait. Quand c'est comme ça, quand tu parles, on n'attend pas bien. Mais on va faire avec. C'est qu'avec le temps, qu'on va marcher. Oui. Moi, en tout cas, il y a deux préoccupations aujourd'hui. Donc, comme les autres, ils sont. D'autres ont posé des questions. Il y a deux préoccupations. Il y a un sujet concernant pour vous, l'église de la Côte d'Ivoire. Et le second, concernant le repas du Seigneur. Comme on voit que parce que depuis. On est rentré, c'est notre première année. Donc vraiment cette année, comme la part de le frère aujourd'hui m'a fait vraiment signe pour voir vraiment comment ça va se dérouler. Donc après cela là, il va faire ça. Mais après ça, vraiment, la Côte d'Ivoire, l'église de la Côte d'Ivoire, moi il sait par la foi en Jésus-Christ. Et il sait que je suis bien placé pour me informer certaines choses ici. Parce que si nous sommes ici, nous sommes les, comme on veut dire, nous sommes les dévancés ici en Côte d'Ivoire. Je le dis avec la foi. S'il y a certaines choses comme ça qui. Tu viens quand tu disais, on te dit pas, venez comme ça et puis venez marcher dans le charbon, ça va te brûler comme ça. Qui sont les coupables? C'est nous, les frères qui sont là. Vraiment, comme la part, quand tu as fini de changer avec nous, j'ai vraiment apprécié et jusqu'à présent, continue d'apprécier parce que je disais comme ça que vraiment, j'étais avancé, j'avais vraiment la foi en Jésus-Christ, mais il y a cette chose que nous pratiquons, mais on ne savait pas comment on fait ces choses. Mais avec toi, il y a certains détails vraiment qui ont été vraiment rectifiés à mon niveau. Et tu vois. Mais vraiment, il y a certaines choses aussi en Côte d'Ivoire ici, les frères et les soeurs, et c'est normal. Parce que c'est toujours comme ça, quand un enfant naît, il y a c'est sur les pour qu'un enfant puisse vraiment être un homme, puisse arrêter pour marcher. Donc, moi, dans le Seigneur et par la grâce que Jésus m'a donnée, je crois que c'est normal que tout cela arrive. Mais je vois aussi qu'en Côte d'Ivoire, le frère Olivier, le frère Eden, le frère Gerson aussi, comme lui, il est un peu en déplacement, n'est pas trop habitant, c'est par connaissance, par Skype, souvent, on peut lui raconter un peu pour échanger avec lui. Donc, le frère Eden, et puis le frère Olivier, et puis en plus, encore moi, on est bien placé vraiment pour t'informer. Vraiment, comme l'église de la Côte d'Ivoire, vraiment, ça fonctionne. C'est par là qu'on devrait commencer. On devrait commencer par là parce que c'est vrai, c'est là-bas. Et je vois aussi quand tu es venu en Côte d'Ivoire, il y a une chose qui est discernée à ton côté. Ce que je voyais dans le monde ici, moi, je t'attendais pour vraiment voir comment tu fais les choses. Et je m'attendais à un homme qui va venir se mettre devant nous avec au moins un cahier rempli même de ses plans pour venir l'enseigner. Et tu veux même souvent même là, il voit même pas la Bible dans ta main. Et quand tu arrives, tu vois que les choses, ça se conduit par l'esprit. Et il a examiné vraiment que c'est ce que je voulais entendre. Donc, avec toi, vraiment, il a examiné beaucoup de choses. Je vois que vraiment, tu es un frère, tu es vraiment là. Tu as d'abord un, tu as l'amour pour la parole de Jésus-Christ. Mais là aussi, quand tu es parti par ton exhortation que tu nous as laissé en Côte d'Ivoire, parce que les jours que tu as fait avec nous, j'ai vraiment apprécié un que tout, même les autres. Le dernier raconte que nous avons eu avec toi et que tu es parti, les exhortations que tu nous as données, vraiment, ça va vraiment toucher. Et c'est le véritable problème pour un enfant de Dieu. C'est vraiment le véritable problème. Tu as dit comme ça que dans cette exhortation, que chacun de nous devait rentrer à la maison. Rentrer à la maison et avoir une relation personnelle avec Dieu. Il faut que cela d'abord soit construit d'abord en toi, d'abord avec Dieu. Et quand cela est fait maintenant, tu dois aller vers les autres. Que la vie chrétienne, ce n'est pas avec amis, avec frères, non. Si on continue comme ça, si un problème vient au milieu de nous, ça peut totalement détruire les uns des autres. Et vraiment, cet enseignement-là, quand tu as dit, c'est dit, vraiment, ce frère-là, ce qu'il a dit, peut-être que c'est pas ce qu'il dit, mais moi, il savait à moi que mon parole est sortie par l'esprit. Parce que quand tu as dit ça, il dit non, tout ce que le frère a fait, c'est bon. Mais vraiment, le dernier jour, ce qu'il a dit là, en tout cas, il a tout accompli. Mais vraiment, l'église de la Côte d'Ivoire, frère Olivier, frère Junior, frère Élie, vraiment, pour le moment, c'est pas encore vraiment comme il le souhaite. Parce que, mon frère, mon souci ici en Côte d'Ivoire, que de voir des frères et des sœurs avec les regards fixés sur Jésus. Et voir vraiment que ces personnes-là comprennent pourquoi ils ont été appelés. Qui comprend pourquoi le Seigneur les a placés par là. Parce que dans une société, quand nous sommes rentrés dans l'usine, chacun de nous sait où travailler. Chacun connaît son poste. Et quand c'est comme ça, quand nous rentrons au service, il n'y a pas de désordre. Tu vois. Vraiment, je sais que chacun de nous a des choses à dire concernant comme ça. Parce que quand tu es là, moi, j'aime aussi beaucoup quand je vois les frères qui aiment la parole, qui lisent la Bible. Qui lisent la Bible, quand ils sont présents comme ça, je me réjouis, les frères. Je me réjouis avec ça. Parce qu'il y a certaines choses, aujourd'hui, le problème qui s'impose en Afrique aujourd'hui, partout même dans le monde, sur le plan spirituel, c'est que les gens aujourd'hui, ils ont un problème. Mais ce que je sais, quand quelqu'un est de Dieu, quand quelqu'un est appelé de Dieu, quand il vient, il n'aura jamais fait de désordre. Parce que la personne a entendu la voix de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a placé. Et il l'a nettoyé. Et il lui a donné un esprit nouveau. Et c'est le Dieu même qui lui conduit dans tous les plans. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de désordre. Parce qu'aujourd'hui, certains disent que oui, voilà, c'est un pasteur. Il voit, il couche avec les femmes des gens. Moi, il dit non, c'est pas possible parce que, il sait bien, comme Jésus a dit, nul ne peut venir à lui si le Père ne l'attire pas. Donc, pour venir à Jésus-Christ, il faut que le Seigneur lui-même l'appelle. Et ces personnes-là, ils sont conduits par lui-même. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas des autres. Parce que je sais bien, quand je vois que les gens disent ça comme ça, ils posent la question, mais si quelqu'un peut me donner un exemple dans la Bible, les disciples que Jésus-Christ, notre Seigneur, les a appelés, si un a fait ces choses-là, s'il y a un là-bas, il pourrait croire qu'un pasteur peut avoir ces choses-là. Donc, certaines personnes comme, c'est vrai, Dieu donne certains exemples comme ça. Tu as ton frère, ou ma soeur, ah mon frère, allons dans tel endroit. Et on arrive ce qu'il fait, le frère automatiquement il tombe vraiment amoureux de ce qu'il fait, il continue à faire aussi. Et il n'était pas avec nous. Mais le problème, c'est un peu dans le Côte d'Ivoire, ce frère Junior, il faut que j'expose que vraiment chacun de nous puisse vraiment prendre le bâton de la parole, amen, pour que vraiment, quand on se réunit comme ça, chacun se, on peut se réjouir et on peut vraiment rassurer. Parce que d'abord, ce que j'ai dit, ma première chose à dire, c'est que d'abord, la vraie délivrance pour un chrétien, quand il vient en Jésus-Christ, il faut que d'abord, ils savent que tout ce qu'il va faire dans le secret, et même au dehors, devant les yeux, même dans le sous-sol, Jésus-Christ, notre Seigneur, il connaît toutes choses. Et quand il reçoit ça d'abord, à partir de là maintenant, il peut avoir maintenant les bonnes pensées, il peut faire les bonnes choses, il peut pratiquer les bonnes œuvres. Et tu vois. Donc, aujourd'hui, comme ça, quand ces personnes n'ont pas cette différence-là, ils peuvent être dans la maison, on peut se croiser et s'embrasser, se réunir comme ça, invoquer le nom de Jésus-Christ. Mais au profondeur, ce n'était pas ça. En Côte d'Ivoire, vraiment, frère Junior, ce que j'ai à te dire, le crise n'est pas encore stabilisé en Côte d'Ivoire. Oui, le frère Yao, l'enfant naît, mais ne grandit pas en un seul jour. Après. Vraiment, il y a des choses à régler en Côte d'Ivoire. Oui. Et ça m'arrange encore du pari. Quand les présents parmi nous, je vois vraiment les frères sont concentrés. Et les soeurs sont concentrés, vraiment. On voit, là, il veut dire. Non, mon frère, t'as bien saisi. Le problème, oui. Là, c'est pour avoir le premier problème, mon frère. Si vous m'attendez. Je crois que là. Le premier problème. Je crois que ta connexion n'est pas bonne. Aujourd'hui. C'est ça. Donc, vraiment, il y a des choses à dire, mais c'est ça qui fait un peu mal la connexion. Là, vraiment, ça me fait mal. Et quoi qu'il faut changer la connexion, il faut voir le frère Paul pour qu'il te dise quelle est la connexion qu'il a prise maintenant. Comme ça, tu n'auras pas de problème de connexion la prochaine fois. Le frère Achindal, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, les frères. Shalom à tous. Les frères ne te répondent pas, ils te regardent seulement comme ça, quoi. Il te salue, chacun monte sa main. Il a répondu, donc, voilà. Voilà. Bonjour, mon frère, préoccupation. Je vais expliquer. Donc, le frère Yao, Jules, à la fin, ta connexion n'était mon pas bonne. Mon problème, c'est que je suis exposé. Oui, mais donc, on a écouté quoi, l'essentiel de ce que tu as dit. La chose qu'il veut dire, c'est, par rapport à ceci, c'est, vous devez prendre les exemples chaque fois de la Bible et les exemples de la nature. Lorsque vous mettez une semence de haricots, lorsque vous mettez une semence de haricots au sol, que vous le vouliez ou pas, le lendemain, vous n'aurez pas de haricots. Ça a un temps de production. Il y a un temps d'abord de germination, puis ça pousse. Il y a du bruit quelque part là. Le frère Olivier Angoran, ton micro. Voilà. Alors, lorsque vous mettez des semences de maïs, que ce soit du maïs ou de n'importe quel type, il y a des temps de germination. Puis par la suite, ça va grandir ainsi de suite. Et puis, un des semences va produire. Vous n'allez pas mettre du maïs au sol et puis le jour où la tige sort, vous êtes fâché que non, le maïs, ça ne va pas produire le maïs. La tige fait partie du maïs. Donc, les problèmes et les différences, écoutez très attentivement. Je veux toute votre attention. Fermez le micro comme ça, je vais bien parler pour que ça ne dérange pas. Je veux toute votre attention maintenant. Regardez, vous allez remarquer que dans votre pays particulièrement, enfin, les gens que vous côtoyez sortent de différents lieux. Ils ont grandi différemment. Dans un milieu différent du vôtre, avec une éducation différente du vôtre. Et il y a une tradition, on parle en anglais background, donc le passé familial est différent du vôtre. Grandissant dans des quartiers différents du vôtre, d'autres sont dans des quartiers chauds, d'autres sont dans des quartiers de possession, d'autres sont dans des quartiers de bandits, d'autres là où on joue les cartes. Et là, vous vous convertissez. Une personne sort de le quartier où on vit, il y avait des prostitutions. Et son papa était un marabout. L'autre personne vit là où il y a quoi, des bandits. Et son papa était un bandit. D'autres personnes vivent dans une maison, ainsi de suite. Ces personnes qui se mettent ensemble ont des backgrounds sociaux différents qu'il va falloir déconstruire. C'est ce qui arrive également lorsque les gens se marient. Quand deux personnes se marient, ils acceptent de mourir. Tant que l'un ne meurt par rapport à l'autre, le mariage ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'il y a des dislocations dans les familles. Parce que d'autres personnes viennent avec des pensées dans leur famille. Vous entendez, d'autres disent, dans ma tradition, c'est pas comme ça. Dans notre famille, c'est pas comme ça. Or, il n'a pas épousé les gens de l'autre famille. Il a épousé quelqu'un qui a une famille différente, des traditions différentes. Là, chacun doit mourir à soi-même pour pouvoir épouser l'autre. Pour qu'on trouve le terrain commun, un territoire commun. Et là, les choses que l'autre a, tu dois supporter. N'est-ce pas si vous me saisissez? Il y a un bruit qui crie quelque part là. Et donc, lorsque vous voyez effectivement, lorsque les gens viennent se marier, et je crois que je vais transporter ça pour que vous saisissez cela avec le corps de Christ. Voilà pourquoi le frère Achinda, coupe ton micro, pardon, il y a du bruit chez toi. Lorsque les gens viennent se marier, prenons par exemple, je ne connais pas les différentes tribus, prenons que quelqu'un du nord là vient épouser quelqu'un du sud chez vous. Vous allez voir que ce sont deux tribus, deux traditions différentes. Il y a même des tribus chez vous, vous allez dire non, ceux-là, ils ne durent pas dans le mariage. D'autres, ceux-là, les femmes dérangent trop là-bas. Oh là là, il y a du bruit chez vous là. Je crois qu'on ne peut pas développer ça comme ça. Je ne sais pas quel micro est ouvert là. C'est le frère Achille. Frère Achille, ferme ton micro. Le frère Achille, ton micro n'est pas fermé. Je ne sais pas s'il nous entend. Alors, vous m'entendez, chez le frère, pour vous m'entendez là? Oh là là, c'est pas bon, le son. Il sera là. Le frère, tu m'entends? Voilà, je t'ai dit donc que lorsque les gens se marient, ils viennent de backgrounds différents, ils ont des passés différents. Vous n'allez pas vous attendre à ce que quand vous voyez, imaginez par exemple qu'un ancien bandit, je crois qu'avec ce bruit-là, il ne peut pas parler. Un ancien bandit qui épouse une ancienne prostituée, vous allez aller où avec ce genre de couple-là si ils ne meurent pas les uns les autres? Un ancien bandit aura des anciens amis qui sont bandits, qui pourront visiter la maison et que la prostituée va souvent suspecter. Vous voyez? Il va dire que non, la tête de ton ami ne me plaît pas. Entre temps, l'ancienne prostituée va avoir des anciens amis qui sont des anciens clients. Où est-ce qu'ils vont aller dans ces relations-ci si l'un ne comprend pas que le passé de l'autre fait partie du passé et que l'autre ne comprend pas que moi je vais... Il y a un bruit là. Il y a un bruit. Je crois qu'on va prendre une ponctuation le temps d'arranger ça. Ça vient du côté du frère Jacques. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Alléluia. Tu es pour nous un bon berger, en toi nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent, le bon berger qui marche devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises les flots de la mer. Voilà, bienvenue. Vous m'entendez maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Écrivez à vos frères Achille en 9 de... lorsqu'il est connecté, qu'il ferme son micro. Quand ces choses en découlent, il suffit d'une petite chose pour déconnecter cela. Alors, si vous lisez dans la Bible, les Saintes Écritures, vous allez voir que c'est ça qui a amené l'église naissante dans des problèmes. Vous lisez le livre de Corinthiens. Si vous prenez un Corinthien, vous allez remarquer effectivement comment l'apôtre Paul va dire, j'ai appris des gens de Chloé que lorsque vous réunissez, il y a des divisions, des sectes parmi vous. Parce que des gens étaient dans des backgrounds différents. D'autres avaient des considérations. Il y a plusieurs. Vous n'allez pas vous attendre que quelqu'un qui sort de chez les musulmans, qui est un ancien musulman, et l'autre qui sort un peu de chez les bouddhistes, et autres, quand ils vont se réunir, ils auront une même appréhension directement avec vous, vous qui êtes né dans une famille chrétienne. Parce qu'il a le passé. Il a le passé, il a les backgrounds qu'il traîne avec lui. Et donc, c'est avec le temps que le Saint-Esprit donc, nettoie cela. Maintenant, le but pour lequel ces problèmes-là surgissent, c'est pour que vous voyez l'amour et que vous entraidiez les uns les autres. C'est donc pour cela que dans Galates chapitre 6, à partir du verset 1, la Bible déclare que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et qu'au lieu de se complaire pour à nous-mêmes, on doit porter les fardeaux les uns les autres. Que ceux qui sont spirituels doivent supporter les faibles. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, prenons cela. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 18. Corinthiens chapitre 12, verset 18, puis verset 22 à 24. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Verset 24. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Voilà. Si un membre souffre, oui. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Vous avez vu? Donc, Dieu, la Bible nous informe que c'est Dieu qui a placé chaque membre comme ça. Et il nous explique que les membres que nous considérons comme les moins travailleux sont entourés de plus de travail. Donc, vous voyez effectivement que Dieu a permis qu'il y ait des faibles au milieu de nous pour que ceux qui sont forts puissent assister. C'est ainsi, lorsque vous vous asseyez ou bien vous voulez prendre appui pour vous lever quelque part, vous remarquez que la main prend l'appui sur la chaise où vous êtes pour pouvoir vous lever. Parce que la main vient en aide pour le corps qui est fatigué. C'est exactement ce qui se passe. Ouvrez Philippiens chapitre 4, on lit le verset 2 à 3. Philippiens, le chapitre 4, verset 2 à 3. Le frère Achille, ton micro n'est pas fermé. Philippiens chapitre 4, verset 2. Oui. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Oui. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Voilà. Donc, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Voilà. Vous voyez effectivement ici, il y a deux sœurs qui avaient des difficultés à s'entendre. Mais le Saint-Esprit donne. Le pourquoi c'est porté dans les Saintes Écritures, parce que vous voyez effectivement que dans l'église naissante, ce que vous avez compris aujourd'hui, ce n'était pas seulement le vôtre. C'était naissant. Mais la façon de régler ces problèmes-là, tel que la Bible a été présentée ici, ça veut dire tout simplement que si chaque personne, chaque moment, il y a des problèmes en milieu chrétien, la seule façon de résoudre, c'est de résoudre de la manière du Seigneur. Ici, il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment. Vous voyez, ça veut dire que ces deux personnes, Évodie et Saint-Tiche, étaient dans des difficultés dans leur relation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui auront des antagonismes entre eux. Le frère Haché, ton micro n'est pas fermé. Il y aura des gens qui auront des antagonismes entre eux. C'est pour ça dans 1 Corinthiens chapitre 6, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset, verset 8. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 8, vous allez remarquer là-bas que l'apôtre Paul va dire, lorsqu'il y a des difficultés parmi les chrétiens, les différents, il dit, c'est certes déjà un défaut chez vous que d'avoir le procès les uns les autres. Donc ça veut dire que normalement, au milieu chrétien, ça ne doit pas se retrouver. Mais il dit, lorsque ces procès-là viennent à être là-bas, ne se trouve-t-il pas quelqu'un qui soit sage au milieu de vous pour pouvoir contester, pour pouvoir diviser contre les frères ou résoudre ces problèmes-là avec les frères? C'est-à-dire que il ne va pas vers les frères pour dire que toi tu as raison. C'est pour enlever ces mauvais grains qui se trouvent en eux pour que les frères continuent à s'aimer. Parce que si vous ne vous aimez pas les uns les autres, frères, vous ne pouvez pas avancer dans votre foi. Parce qu'on a dit trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand, c'est l'amour. Donc, tout ce qui crée les divisions, tout ce qui crée les difficultés dans l'amour, et particulièrement les querelles, particulièrement les jalousies, particulièrement les mauvais sentiments, toutes ces choses-là doivent être extirpées du milieu chrétien. Et par conséquent, quand le frère Yahou dit qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'église de naissance, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Si vous me disiez qu'il n'y a pas de problème, je vais dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Quand vous commencez à constater qu'il y a des problèmes, ça suppose que l'œuvre de Dieu est en train de travailler. Ça suppose que le Seigneur est en train de travailler à l'intérieur pour faire ressortir en surface, un peu quand vous tamisez la bouillie. Vous faites sortir en surface le déchet qu'il faut sortir. Vous voyez cela? Quand vous faites tamiser tout cela, vous tamisez, vous enlevez ce qu'il y a là-bas à l'intérieur. Mais pourtant, cette bouillie-là, la partie que vous avez tamisée là, est partie intégrante du maïs tant que vous n'avez pas mouillé dans l'eau. Mais quand vous commencez à en plonger dans la parole, donc le parole commence à vous tamiser. Ça enlève les mauvais comportements. Ça fait ressortir les mauvaises choses que vous aviez en vous pour présenter la nature que Dieu veut de vous. C'est donc pour cela que chacun de nous s'est mis. Et si chacun s'est mis de la bonne façon, chacun va avoir son mauvais comportement. Et quand vous commencez à vous refléter à Christ et que Christ se reflète dans une personne, autre personne, deux personnes, quand vous vous réunissez, Christ se manifeste. C'est parce que vous comprenez. Mais si notre ancienne nature est là, l'autre ancienne nature de l'autre personne est là, et que au milieu de vous commence à avoir des clans, des groupuscules, des groupes, je suis bien avec telle personne, je n'aime pas telle personne, ça ne peut pas marcher. Christ ne marchera pas. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit dans les enseignements, vous voulez la puissance du Saint-Esprit pour que ça se manifeste au travers de vous. La règle numéro un, c'est l'amour. Si vous ne voulez pas supporter les injustices, supporter qu'on dise du mal de vous et que vous restez tranquille en aimant bien la personne, ça ne se manifestera pas en vous. Sinon, vous allez prendre la puissance du Saint-Esprit pour tuer les gens. Voilà pourquoi Dieu doit d'abord œuvrer dans les cœurs avant d'octroyer sa puissance. Il œuvre toujours dans les cœurs d'abord avant d'octroyer la puissance. Ne croyez pas que vous allez dire, oh Seigneur, donne-moi la puissance pour que je guérisse des malades et autres. Ça ne se passe pas comme ça. Là. C'est que tu vas dire à l'autre que non, sa fille qui est malade, là, qu'elle meurt, je ne la guéris pas. parce qu'elle m'a fait du mal. Vous voyez cela? Or, l'amour prime au-dessus de toutes ces choses-là. L'amour prime au-dessus de toutes ces choses. Il faut que vous soyez à même de voir une personne qui vous a posé du tort. Vous allez devant le Seigneur. Présenter la personne au devant le Seigneur, que Seigneur ne permet pas que cette chose, ce qui nous est passé, qui s'est passé entre telle personne et moi, puisse briser l'amour que tu as donné pour nous. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Dans Marc chapitre 11, le Seigneur a dit que si vous êtes debout, vous allez faire votre prière. Il a dit, si vous demandez n'importe quoi, ça vous sera donné. Puis il dit directement que vous devez pardonner. Que si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est le Seigneur vous pardonnera non plus vos offenses. Qui en a de parler? Bon. À chaque fois quand ça coupe comme ça, il faut que je développe ces choses-ci. Donc, ici, l'apôtre Paul en a décrit en disant le frère Paul, tu as eu des problèmes avec, vous avez eu des problèmes avec votre collection là-bas, un souci, vous êtes venu, bienvenue maintenant. Alors, le frère, l'apôtre Paul, le Paul, l'apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, en a dit ici aux évêques, aux diacres, d'aider les gens dans cette condition-là. Et le cas particulier ici, c'est le cas des Saint-Tiche et quoi, comment ça s'appelle encore, Evody, qui étaient dans des difficultés dans leur relation. Il dit qu'il faut qu'ils soient dans les mêmes sentiments. Il faut qu'ils soient dans les mêmes sentiments. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10, il dit qu'il prie pour que les chrétiens soient dans un même sentiment. Même langage. Ça veut dire que c'est ça. C'est ça l'unité. Quand l'esprit est là, il y a l'unité de l'esprit. Lorsqu'on commence à faire les réunions avec des considérations humaines, il y aura des clans. Or, ces choses-là, ça ne doit pas être ainsi. C'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui doit nous réunir. Et si l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui nous réunit, c'est lui le président de la réunion. Si c'est lui le président de la réunion, alors nos pensées et nos intérêts doivent être de côté. C'est l'intérêt de Christ seul. Si chacun de nous regarde l'intérêt de Christ, à l'intérêt de Christ seul, personne n'aura son propre intérêt. Le problème commence à se poser lorsque les gens commencent à se faire valoir ou de faire valoir Christ. Quand on fait valoir Christ, on présente Christ, chacun présente Christ, personne ne cherchera la gloire. Et si quelqu'un commence à chercher sa gloire, il y aura des problèmes d'intérêt. Parce que ici se trouvera un homme spirituel face à un homme égocentrique et charnel qui veut se présenter. Ça ne peut pas marcher comme ça. Le charnel et le spirituel marchant ensemble égale problème. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder à l'intérêt de Christ. Il faut regarder à l'intérêt de Christ lorsque ça se passe. Alors ici donc, il dit, j'exhorte et vous dis et j'exhorte Saint-Tich à être d'un même sentiment. Puis il dit, et toi aussi, fidèle collègue, oui, aide-les. Donc si vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes mature, vous constatez qu'un frère et une soeur, ou bien une soeur, ou bien des gens ont des problèmes, vous qui êtes mature, prenez-les avec la parole du Seigneur. Allez doucement. Le but au milieu chrétien, ce n'est pas de montrer que tel a tort, tel a raison. C'est d'amener l'amour du Seigneur à prôner. Quand l'amour prône sur le cœur, les uns et les autres sont à même de demander pardon pour leurs offenses. Que Dieu vous bénisse. Je suis à votre amen, service. Frère. Amen, amen. Je suis à votre service. Posez des questions. Amen, amen. Donc, ne prenez pas le fait qu'il y a des tensions au milieu de la... Ce n'est pas seulement vous. Il y en a des zones plus terribles. Vous ne connaissez pas quels soucis l'Église me donne. Quand je reste et puis le Saint-Esprit me transporte dans une ville, dans un endroit pour que je surveille ce qui se passe là-bas. Vous ne pouvez pas savoir comment je souffre. Vous ne pouvez pas savoir comment je souffre pour... Ah, Dieu. Oh, Dieu, aide-nous. Et donc, vous comprenez effectivement qu'il y a des responsabilités. Un temps, j'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand? Mieux, je quitte cette terre et que je rentre chez nous. Mais vous voyez effectivement que laissant la terre, ce sera fuir le travail. Il faut qu'on accomplisse sa course avant de quitter ici. Donc, et maintenant, et vous comprenez, donc, vous avez une responsabilité. Parce que le Seigneur dit qu'à ceux à qui on a beaucoup donné, on demandera, on exigera aussi beaucoup. Donc, prenez garde pour que toutes ces nourritures que vous allez emmagasiner, mettez-les à profit, mettez-les à l'œuvre. Parce que le moment viendra où vous n'aurez pas le temps de parcourir les Saintes Écritures pour regarder n'importe quoi. Vous devrez être des lettres vivantes par l'Esprit. Vous voyez cela? Des Bibles. Votre vie doit refléter la Bible. Notre vie doit refléter la Bible. Vous n'allez pas aller consulter chaque fois la Bible comme ça pour devenir. Colossiens chapitre 3. Ah, Colossiens chapitre 3. Verset 11, 12 et 13. Dans le temps que vous cherchez cela, vous remarquez effectivement que l'apôtre Paul, la façon dont il écrit aux Colossiens, ce n'est pas la façon dont il écrit aux Thessaloniciens. Aux Thessaloniciens, il dit que les témoignages qu'ils ont sont venus là-bas, ils ne sont pas venus avec des prédications, des discours persuasifs. Et là-bas, les Thessaloniciens ont cru en abandonnant les dieux, les idoles pour embrasser le vrai Créateur. Et là, la puissance de Dieu s'est manifestée là-bas. On a vu comment ils ont marché dans l'amour excessif au point où l'apôtre Paul leur demande d'abonder là-dedans. Au point où ils ont été dans la Macédoine tout entier et dans l'Achaïe, ils ont assisté des saints à Jérusalem dans leur amour. Mais aux Corinthiens, ils ont des dons spirituels aussi, mais la manifestation qui se passe là-bas, c'est le désordre. Là-bas, il faut qu'ils corrigent des choses, donnent des doctrines, rétablissent les choses. Aux Éphésiens, ils les amènent à comprendre le combat spirituel dans la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez cela, et la dimension des révélations des plans du Seigneur. Ah, je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc, vous voyez effectivement que l'église locale est caractérisée par l'esprit qui règne à cette époque-là, à cet endroit bien précis. Et la correction y est afférente par le Saint-Esprit. Maintenant, c'est universel. Le Seigneur doit être le Seigneur de l'église tout entière, au point où il va prendre l'épouse. L'épouse doit être préparée partout de la même façon. L'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit. Alors, le chapitre 3 de Colossiens, versets 11 à 13. Colossiens 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est en tous et en tous. Frère, es-tu lu dans quel livre là? Tu penses que tu es en train de lire dans quel livre là toi-même? Colossiens chapitre 3, verset 11 à 13. Verset 1. 11, d'accord. Oui, frère, c'est mon Colossiens chapitre 3, verset 11. Oui. Allons-y. Oui, c'est ça. C'est le verset 11 que je viens de lire. Ok. Vas-y, continue. Donc, verset 12, 13 maintenant. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Oui. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Vous avez suivi ce qu'il dit? Amen. Il dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, la loi de miséricorde doit être prônée. Ça veut dire que même si n'importe quoi arrive, la première chose à faire, c'est être miséricordieux envers ton frère. Même s'il a fait n'importe quoi, même si tu as fait n'importe quoi, la loi de la justice de la miséricorde doit d'abord prôner. Vous voyez, il dit, et même de patience. Et si vous avez, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, première chose, ne dites pas que je me plains. Non. Si l'un a sujet de se plaindre, c'est-à-dire qu'il y a un but, un objectif de plainte, un sujet de plainte, première règle, pardonnez-vous. Ah, frère Eden m'a fait telle chose. Il m'a fait telle chose. Je pardonne. À cause des entrailles de miséricorde du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Donc l'église, amen. L'église qui se trouve à Abidjan, ou bien à Boaké, ou bien n'importe où, ou bien les églises de la Côte d'Ivoire se trouvent dans la position que Dieu veut. Souvenez-vous de ce qu'on a lu lorsque le frère Paul Espérance a posé la question concernant ma dispensation et ma venue. Il dit que Dieu fait toutes choses bon en son temps. Il y a des programmes. Il a un programme. Personne ne t'adonne Dieu dans sa manifestation. Il n'y a rien qui déprogramme Dieu. Il n'y a rien qui vient arrêter dans son plan. Il n'y a rien qui vient avance dans son plan. Non. Chaque chose arrive au moment comme il veut. Tout arrive, en réalité, tout est dans son plan. D'accord, mon frère? Si vous voyez la tige de maïs, vous voyez une feuille qui est morte ou bien le papaye qui est une feuille qui est morte. C'est son rôle. Il a fini son temps, il a fini son rôle, il quitte la scène. Il y aura des plans qui vont prendre le relais et continuer. Mais le but, c'est d'avoir la papaye initiale, tel que les grains avaient planté. Mais Dieu a toutes choses comme contrôle. Que le Seigneur vous bénisse. Des questions? Amen. Il y a une question? Oui. Matthieu 11, le verset 12. Oui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui sont en fait, dans quel sens? Il y a un retour là, je ne sais pas pourquoi, il y a un retour. Quelqu'un a un micro ouvert. Ça s'écrit là. Oui, mon frère Serge, quelle est la question? Ma question, c'est que c'est dans quel sens? Quand on dit que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent, c'est dans quel sens? En fait, voilà. Comment comprendre cela? Deux choses sont dites là-bas. Il veut savoir laquelle chose tu veux savoir. Parce que dans ces phrases-là, dans ce livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12, où il est dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. La question c'est, le royaume des cieux est forcé ou bien ce sont les violents qui s'en emparent? C'est les deux volets. C'est laquelle des choses tu veux comprendre? En fait, c'est les deux volets. D'abord, les forcés. Oui. Puis ensuite, les violents. Oui. Qui vont s'emparer de ce royaume des cieux-là. Commençons d'abord à partir du haut. Allons-y. D'accord. À partir du chapitre, verset 1. D'accord. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean a entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, il fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus a répondu, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Maintenant, lis-moi le verset 13. Quand tu vas lire le verset 13, tu écoutes bien ce qu'il veut te dire. D'accord. Car tous les prophètes et la loi ont profité jusqu'à Jean. Voilà. Maintenant, écoutez très attentivement. Ouvrez le livre de Luc au chapitre 16. Vous gardez. Ne fermez pas ceci. Je vais vous faire lire quelque chose. Vous avez ouvert le livre de Luc, chapitre 16. Luc. Côte d'Ivoire dans la sainteté. Bonsoir. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez que finalement, vous avez trouvé un jour qui vous convient et que là, c'est vraiment calme et posé, n'est-ce pas, par rapport à dimanche avec les pressions là, des délivrances et autres. Voilà, vous avez ouvert Luc, chapitre 16. Voilà. Rentrons d'abord dans le livre de Luc de Matthieu, chapitre 11, que tu as lu tout à l'heure. Je vais te faire lire autrement. Allons-y. Tu es prêt? Voilà. je m'avais saisi, frère. Retournons dans Marc, de Matthieu chapitre 11 que tu venais de lire. Je t'ai fait lire deux versets autrement. D'accord. Dès que tu es prêt, il te dit. Je suis prêt. Ok, maintenant, lis le verset 13, puis le verset 12. Nul serviteur non. ne peut suivre. Non. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut, faut vraiment écouter ce que je suis en train de dire. Tout à l'heure, tu as lu il dit Matthieu chapitre 11, où tu as lu, tu t'es arrêté oui. au verset. J'ai arrêté au verset 13. Alors, lis le verset 13 donc. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Maintenant, lis le verset 12. Depuis le temps que Jean baptise jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Allons dans Luc chapitre 16 maintenant. Ici. Lis le verset 16 seulement. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence. Pour y ça va, frère? Oui. Oui. Que oui. Dieu vous bénisse. Pourquoi tu lis encore, frère Serge? Non, en fait, je suis en train de revoir les deux passages. Pardon, les deux livres, en fait. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas qu'on tape quelqu'un, on tape quelqu'un pour entrer dans le royaume de Dieu, d'accord? Oui. Mm-hmm. Donc le royaume de Dieu est annoncé. Séverin dit que la loi avait prophétisé jusqu'à Jean. Et maintenant, voici le royaume de Dieu maintenant qui est annoncé tel que c'était prophétisé. D'accord? Et à cet instant-là, maintenant, chacun va appuyer sur son application pour entrer exactement à la position que Dieu avait voulu. Amen, amen, amen, amen, amen. Des questions? Posez toutes vos questions. Posez toutes vos questions. Oui, frère, moi oui. j'ai une question. Oui. Bon, en fait, c'est dans le livre de Exode. Bon, je n'ai pas bien le passage, mais je peux plus ou moins indiquer. Oui. Concernant, il y a deux noms qui me mélangent un peu. Oui. Non, voilà, le beau-père de Moïse. Oui, j'y trouve. Voilà. Il y a Ruel au départ, où Moïse a rencontré ce qu'on appelle sa femme, lorsqu'il a aidé devant les autres personnes qui voulaient faire approuver leur troupeau. Oui. Voilà. Et puis, la Bible nous dit qu'elle accompagnait son père. Oui. Qui s'appelait Ruel. Et puis du coup, verset suivant, on attend que son père s'appelle Jethro. Mm-hmm. Voilà. Donc, on voit Exode chapitre 18 alors. Voilà, c'est Exode. Voilà. Exode chapitre 18. Allons-y, lis à partir du verset 1 d'abord. D'accord. Jethro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et Israël, son peuple. Il a pris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Continue, mon frère. Je continue, frère. Oui. D'accord. Je trouve au père de Moïse prit Séphora. Souligne Séphora. Il y a quelqu'un, il y a un bruit quelque part. Je ne sais pas si c'est la sœur Aseto qui en a fait le bruit là. Donc, verset 2. Je trouve au père de Moïse prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. Oui. L'un se nommait Guéchon car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Éliézer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Mmh. Voilà, c'est bon. C'est bon. Maintenant, on va lire. Il y a quelque chose qui vibre chez vous là-bas. Nombre chapitre 10. J'y suis. Nombre chapitre 10, vous y êtes? Oui. Partie du verset 28. 28, nombre 10. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche selon le corps d'armée. Et c'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Obad, fils de Ruel, le Madianite, beau-père de Moïse. C'est quoi, frère? Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai, viens avec nous et nous te ferons du bien car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. C'est comment, frère? Continue, non? Quel est le premier problème? D'accord, je continue. Obab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. 33. Il partit de la montagne de l'Éternel et marchait 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et il fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La lumière de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux du haïssant fuient devant ta face. Verset 36. Et quand on la posait, il disait, reviens, Éternel, au triade des milliers, d'Israël. Amen. Amen. Combien de femmes avait Moïse? Comment? Combien de femmes avait Moïse? Moïse a une seule femme, c'est Séphora. Vraiment, hein? Jésus. Moi, je vois une seule femme, hein? Combien de femmes avait Moïse, mes chers frères? Combien de femmes? Moïse avait femmes. Pardon? Moïse avait 2 femmes. Voilà. Et donnez-moi le nom de ces 2 femmes. Il y avait Séphora, la Madianite et puis l'Égyptienne. Qui est d'accord? Moi, je suis d'accord. Le nom de la deuxième femme, c'était qui? Bon, la Bible parle de l'Égyptienne dans Nombre chapitre 12. Oui. Ah. Ouvrez. Bon, maintenant, le nom, je ne sais pas si le nom est mentionné dans la Bible. La Bible parle de l'Éthiopien ou bien de l'Égyptien? et l'éthiopienne, voilà. Oui, l'éthiopienne, effectivement, c'est l'éthiopienne, la nombre 12. Vous savez pourquoi ils sont de vouloir vous prendre comme ça? Non. Voilà. Je voulais que vous arriviez à une façon de travailler dans les Écritures. Allons-y là où le frère a parlé. Ouais, nombre 12. Moi, j'y suis. Allons-y. Verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Non, c'est bon, là où on devait savoir, je voudrais seulement que vous voyez quelque chose. Donc, en fin de compte, Moïse avait combien de femmes? Cette fois-ci, non. Je pense bien que Moïse a deux femmes. Voilà, donc maintenant, tu sais maintenant que Moïse avait deux femmes, n'est-ce pas? Oui, oui. Parce qu'ici, on nous donne le renseignement qu'il avait pris une femme éthiopienne. Oui. Alors que dans Exode, on dit que sa femme était Mandianite, qui est Séphora. Oui. Vous comprenez très attentivement, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Oui. Ça veut dire qu'il n'a qu'un seul beau-père qui est Mandianite. D'accord. C'est ça. Oui. Ok. Si tel est le cas, ça veut dire que la personne qu'on appelle Jethro, c'est lui qu'on appelle encore Réuel. Donc Réuel, c'est encore un autre nom de Jethro. D'accord. Nombre chapitre 11. Parce que là, vous voyez effectivement qu'on l'appelle beau-père. Et on dit que le Mandianite, n'est-ce pas? Donc, on parle du beau-père, oui. Quand son beau-père qui est Mandianite. Donc, et ce n'est que le papa de Séphora qui est son beau-père. Qui est Mandianite. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'ici, on dit que cette autre femme-ci est égyptienne, est éthiopienne. Donc, parce que si on avait dit tout simplement Réel, sans préciser qu'il s'agit de Réel, le Mandianite, on pourrait penser que c'est le deuxième beau-père. C'est-à-dire que le père de cette femme-ci, pas vrai? Oui. Voilà, mais on a précisé le Mandianite. Ça veut dire que là, la Bible dit clairement que Réel, c'est Jethro. D'accord? Voilà, oui, Nombre, chapitre 11. Vous y êtes? Oui. J'y suis. Sautons alors au chapitre 13, parce que si vous dites ce qui est là, vous allez. Chapitre 13, lisez-moi le verset 8. D'accord. Chapitre 13, verset 8. Pour la tribu d'Ephraïm, Osée, fils de Noun. Qui est-ce qu'on appelle ici? Finalement, je pense qu'on parle de Josué ici. Pourquoi? Parce qu'il sait que Josué, c'est le fils de Noun. Verset 16, donc. Verset 16 du même chapitre. D'accord. Oui, verset 16. J'y suis. Quel verset, s'il vous plaît? Verset 16, du même livre. D'accord. Quels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays? Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Donc, quand vous entendez Josué, il s'agit de qui? De Osée. Donc, quand vous entendez Osée, fils de Noun, il s'agit de qui? De José. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu va dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Gilles. Bonsoir. Je vous aime. Je vous aime. C'est assez tout est content là-bas avec ses verres là, comme Nguéa, la route, l'artiste camerounaise qui met les phares partout là-bas, même sur les lèvres. Oui. En fait, moi, il y a deux personnes qui sont en train de parler au même moment. Le frère Olivier patiente que le frère Serge finit. Bah, c'est lui qui posait la question. Allons-y. Voilà. En fait, pour moi, quand j'ai lu au départ, je me suis posé la question que comment j'allais appeler le père de mon beau-père. C'est le père de ton beau-père, non? Tu veux l'appeler comment? Je peux l'appeler beau-père ou bien comment je l'appelle? Tu l'appelles comment? Pour beau grand-père. je vais l'appeler beau-père aussi. C'est le père de ton beau, c'est le père de ton beau-père, non? C'est ton beau grand-père. Oui. D'accord. Donc c'est quel nom peut donner? C'est quel nom? Mais tu veux qu'il te crée un nom pour te donner? Appelle-le comme tu veux, si tu ne connais pas le nom. En fait, je dis ça parce que quand j'ai lu. C'est comme Uriel, pour moi Uriel était le père de choses, comment on appelle, Jétro, comme ils étaient tous sacrificateurs. Non, Jétro était sacrificateur des Madian, dit la Bible. Et par conséquent, la Bible donne renseignement là-bas, on a lu qu'il connaissait le chemin du désert. Il n'a pas voulu aller parce qu'il savait que ce n'est pas sa sacrificature. La sacrificature là, c'était réservé à Aaron. Donc il ne voulait pas entrer dans l'enseignement pour vous dire tout ce qui se passe là-bas. Bah, c'est lui qui va donner la charge à Moïse de faire la distribution des tâches. D'accord? D'accord. Voilà. Donc il ne s'agit pas de grand-père, de père. Voilà. Ah, d'accord. Non, c'est mal, j'ai compris. Des questions? Le frère Olivier voulait parler tout à l'heure. Oui. Bon, en fait, je voulais revenir un peu sur la préoccupation du frère Yao Jules. J'avais posé deux préoccupations là. La première préoccupation, c'était au niveau de l'état de l'église en Nouveau en Côte d'Ivoire. Et la seconde, c'était concernant en fait l'organisation pratique de la réunion de la scène. Le repas du Seigneur. Bon, lorsqu'on l'a décrit au niveau du calendrier, on a vu que c'est fixé pour le 30 mars. Voilà, donc c'est pour, comme c'est notre première expérience dans cette partie de ce type de réunion-là, donc c'est pour avoir plus d'éclaircissements par rapport à l'organisation pratique de cette sorte de réunion-là. Bon, en suivant l'enseignement fait là-dessus, la seule fête de l'été, de quoi? Fête chrétien ou bien la précision sur la scène sainte, vous n'avez pas appréhendé toujours? Bon, si on a l'enseignement, mais je voulais savoir, c'est-à-dire que dès qu'il y a une situation, on commence, ou bien si une localité a commencé à 17h30, c'est pour voir un peu savoir si ça, à 17h30 ça commence, et non. Puis un peu comment. Écoute mon frère, c'est une réunion au courant duquel quelque chose se passe, d'accord? C'est cette chose qui se passe au courant de la réunion qui doit se passer au soir. Donc vous pouvez commencer votre réunion à 14h, vous prolongez votre réunion et que 18h arrive, dès le coucher du soleil, vous pouvez commencer maintenant avec ce que la scène proprement dit. Donc ça veut dire que vous pouvez commencer les enseignements pour n'importe quoi que vous faites d'habitude, puis maintenant cette chose-là particulièrement, cet événement particulièrement, vous le faites au-delà des 18h. C'est au-delà du coucher du soleil. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on commence quand tu es la pam. On commence directement. C'est pas ça. Ça veut dire qu'on fait au coucher du soleil. Tout simplement. D'accord, c'est compris, frère. Autre question concernant cela. Bon, donc ça veut dire que c'est au cours de cette réunion qu'on prend, y compris le pain et aussi vraiment les autres repas qui est la nourriture. Oui. Voilà. Frère. D'accord. Je crois que c'est... Qui parle, frère Yao? Oui. La connexion de chez nous. Oui, voilà. La connexion de chez nous, frère Yao, n'est pas bonne du tout. Oui. C'est désagréable. Voilà, bon, parce qu'on voit que la connexion, c'est pas bon. La communication, vraiment, ne va vraiment pas. C'est vrai, il me l'a vraiment parce que. Mec, c'est qui parle? Voilà. Donc, ce que vous voulez dire, parce que ce que je vois en Côte d'Ivoire. Le frère Yao, il faut écrire une personne d'autre lit. Voilà. Donc, c'est pas bon là. Moi, j'aimerais que vraiment si un jour comme ça, tu peux le programmer, parce que mon problème, mon boss. C'est Yao. Vous m'attendez? Oui. D'accord. Je sens que mon préoccupation n'a pas été réglée. Mon problème n'est pas arrivé. Mais ici patient. Et avec le temps, parce que le problème qu'il avait souligné, le problème n'a pas été touché. Parce que quand tu ne m'as pas laissé aller au bout pour vraiment pour bien savoir le problème, c'est pas grave ici, vraiment patient. Parce que ce que je vois, quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire ici, au niveau de l'assemblée, même de Pougon, quand tu es rentré, même si tu es arrivé, il y a un problème qui s'est passé là-bas. Les frères sont venus, on a entendu parler de Brian. Alors, quand il concerne aussi en Côte d'Ivoire, ce que je vois ici, c'est le même problème. Parce que ça crée un problème entre nous ici. On se réunit, junior, toujours junior. Donc, il y a que vraiment tu proposes un jour pour vraiment ce cas-là. Tu peux vraiment donner un enseignement en direct comme ça pour que pour une rotation pour que chacun ne puisse comprendre. Parce que quand il est là aujourd'hui, on a ce problème là aujourd'hui, quand on se réunit comme ça, frère junior, il comprend comme il t'a dit qu'il y avait des problèmes. C'est ça le problème. Si on se à côté de l'amour. L'amour vraiment ça va. Mais c'est là la meilleure problème. Quand on se réunit comme ça, vrai, c'est vraiment grave. Parce que comme on prend même Jean 4 m'a dit, quand on a le verset 44, on a eu le même problème là. Parce que la femme a croisé Jésus-Christ, Jésus a fait une déclaration à travers la femme. Mais la femme allait dans la vie, elle est revenue avec les gens de sa vie. Ils ont dit, ah madame, nous savons bien que tu as dit certaines choses sur Jésus-Christ. Mais maintenant nous avons vu, on a entendu même de nos propres yeux. On a pris plusieurs. Le sujet qui nous dit, mais nous voyons maintenant que vraiment celui-là est le sauveur du monde. Mais vraiment, c'est grave. C'est vraiment un problème en Côte d'Ivoire ici. Ton nom est tellement tôt, et quand tu vois comme ça les autres là, si vraiment tu ne fais pas vraiment un enseignement, c'est ça pour les frères et pour les soeurs ici en Côte d'Ivoire. Si le Seigneur t'a même dit au milieu de nos frères juniors, je vois que vraiment ça va poser vraiment un problème en Côte d'Ivoire ici. Donc j'aimerais que vraiment, c'est mon souci même qui est là. C'est mon souci pour les uns et les autres ici en Côte d'Ivoire ici. Parce que quand on s'est réunis, ton nom est tellement tôt, mais Jésus même mort est mis de côté. Tout même les gens m'ont donné frère junior, ça me fait rire. C'est vraiment mon problème. Non, moi, c'est mon souci que vraiment, vraiment eu un regard fixé sur Jésus-Christ. Moi, même, sur même le lunette, là, quand tu es présent comme ça, tout le monde est là. Tout le monde est là. Alors, c'est vrai. C'est pas sur Internet, on va adorer Jésus-Christ. Ici, en Côte d'Ivoire, voilà, le frère junior est là aujourd'hui. Le frère junior, on sait que c'est un frère qui a reçu une grâce. Chacun de nous reconnaît vraiment que la grâce du Seigneur est sur toi. Mais si on a un problème ici, moi je le considère comme un Paul à nos jours. Si on a un cas qu'on n'arrive pas à régler, quand il se réunit avec nous comme ça, il doit exposer le problème comme ça, comme le frère Saint vient de le faire avec toi. Là, c'est vraiment normal. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se réunir comme ça sans dire junior, vraiment. Si aujourd'hui le Seigneur t'a né au milieu de nous, frère junior, vraiment ça va poser le problème à chacun de nous. Donc vraiment, nous autres, on a eu la grâce. Parce que quand la femme a envoyé ses frères, ses parents de sa ville, ils ont dit à la femme samaritaine. C'est que tu as parce que tu as dit que le Jésus-Christ a dit des choses sur toi, que nous croyons, parce que nous avons vu ça de nos propres yeux. Donc, on n'a plus besoin de toi encore. Donc, vrai, le frère Junior a eu une grâce. Mais quand le Junior est venu en Côte d'Ivoire, il n'a pas dit Junior dit. Il est venu présenter Jésus-Christ. Et dans ses enseignements, il a dit tout. Il vous pousse à lire la Bible à vous-même. Cherchez Jésus-Christ. Ma façon de faire, ma grâce que Dieu m'a donnée, c'est vous pousser vraiment de chercher vous-même Jésus-Christ. Vraiment, c'est un problème. Quand on se réunit, ce frère Junior, ça devient. Et on voit ça dans le monde. Les gens qui adorent Jésus-Christ, ce sont des marabouts. Quand ils disent les marabouts, c'est le nom des pasteurs qui sont cités. C'est le nom des gens qui ont reçu la grâce, où on a vu la puissance de ces manifestants dans la veste là. Au lieu de chercher Jésus personnellement par ces personnes-là, ils laissent Jésus totalement. Et vraiment, c'est Junior. Et vraiment, cela, ça pose vraiment un problème. Parce que quand on se réunit comme ça, nous autres là, c'est vrai. Quand on se réunit, j'aimerais que les gens suivent Jésus-Christ. Et tu vois, c'est tout, c'est vraiment, c'est un problème pour moi. Après, après Junior. C'est le problème que là, oui. C'est pourquoi il dit au début que en Jésus-Christ, la voix des vœux pour un chrétien, il veut qu'il sache, même dans sa maison, partout, ses tribus, dans tous ses soucis, dans ses pensées, Jésus-Christ sait tout. Il va dire la personne sait ça déjà, c'est fini. Et puis avoir des bonnes pensées, parce que tous les mauvais pensées viennent dans le cœur. Tout ce que nous pratiquons sur le chemin, sur la vie pratique, ça vient dans le cœur. Et quand nous savons que non, Jésus-Christ, même dans notre pensée, tout ce que nous imaginons, il est au courant de tout, à partir de là, on a la délivrance totale et on peut faire du bien à notre prochain. Donc vraiment, frère Junior, c'est vraiment une préoccupation vraiment pour moi. Parce que même là-bas, dernier, on s'est réunis, même parmi les assistants qui attendaient, on m'a dit que le frère Junior, lui, sait tout. Vraiment, il n'a pas dit quelque chose parce que quand le frère Junior sait tout, c'est que pour aller vers Jésus, il n'a plus besoin. Il y a un problème maintenant, il y a un problème au Cameroun, maintenant, et puis ça sera passé pour moi. Donc vraiment, c'est un problème, frère Junior, en Côte d'Ivoire ici. Il aide les frères et les soeurs pour que ça puisse marcher. Parce que si on ne fait pas attention, au final, ça va devenir Brian. Au lieu de dire Brian, ça va devenir. Et si Junior n'est pas parmi nous demain, ça va poser problème à certains. c'est un problème sincère, frère, pour la Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, c'est un problème de cœur que tu le dis. Jésus-Christ nous enseignait même ça. Il faut faire un enseignement sur ça. Et vraiment, il faut chercher un jour, dans la semaine, dans la journée, la connexion est bonne. Moi, ma prière, je prie aujourd'hui que le Seigneur permette que tu puisses encore arriver en Côte d'Ivoire. Parce que maintenant, frère, il y a beaucoup de choses à dire maintenant. Ça commence à venir. Il y a des choses à dire et vraiment, ça va édifier certaines personnes. Parce que je ne suis pas un destructeur. Un destructeur, c'est ça. Un appelé de Dieu. Un appelé de Dieu n'est pas un destructeur, mais il est un constructeur. Il va construire des cœurs des gens des autres. Ça, c'est mon premier souci. Mais je voudrais que Junior, le nom de Junior, soit effacé pour que je ne sois présenté. Ça, c'est un souci vraiment pour la Côte d'Ivoire, mon frère Junior. Quand tu es là comme ça, tous mes frères, les autres sont vraiment connectés. Et nous, avec, tu te connais net, là, même entre nous, on ne peut même pas se sortir. Et tu vois, ça, c'est pas l'adoration. L'adoration n'est pas sur Internet. Donc, ce que tu as dit, c'est que, par exemple, lorsque souvent, quand je ne suis pas là et que vous donnez des moments de réunion pour vous connecter, les gens ne se connectent pas. Mais quand ils savent qu'ils doivent être là, les gens sont connectés. Oh. Voilà. Voilà. Si tu es là, seulement tu vas les connecter. Dès que tu te connais net, là, je suis parti, c'est fini. Chacun rentre à la maison. C'est un problème. Je ris, mais c'est vraiment sérieux. Ça traîne mon esprit et c'est ma prière que chacun de nous soit délivré. Et ton esprit, si chacun de nous a quelqu'un, à l'esprit de Junior qui soit délivré. Vraiment. Vraiment, frère Junior. Vraiment, tu as une voix vraiment très séduisante. Premier du mois, tu as une voix vraiment très séduisante. Mais si on ne fait pas attention, si Jésus même nous aide pas vraiment, on est sur la parole qui sort dans cette voix, on va suivre la voix de ce frère Junior. Donc c'est vraiment un problème pour la Côte d'Ivoire. Vraiment frère, vraiment il faut vraiment aider la Côte d'Ivoire. Parce que nous-mêmes savons très bien, notre Seigneur Jésus-Christ peut détruire toute la Côte d'Ivoire complète à cause d'une seule personne. Vraiment tu es venu en Côte d'Ivoire, tu as vu vraiment ce qui s'est passé, tu as fait partout dans le monde. Mais quand tu es arrivé, tu as vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a une puissance vraiment pas possible en Côte d'Ivoire ici. Donc mon frère, je t'exhorte pour que vraiment tu mets cela en prière pour nous, pour que vraiment l'église de la Côte d'Ivoire vraiment puisse avoir un regard fixé sur Jésus, comme dans Luc 4. Quand Jésus a eu dans le temple, il a dit à l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a ouvert pour tous ceux qui sont dans le temple, ce sont des symboles. Il avait le regard fixé sur lui. Il avait le regard fixé sur lui. Donc moi, mon souci à cause de laquelle les regards soient fixés sur Junior, non sur Olivier, et non sur le frère Eden, et non sur le frère Yahoujou. Ça, c'est mon souci pour mes frères ici en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que c'est mon souci pour moi en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui là, c'est avec le cœur, avec un cœur que j'ai écrit sur là. Donc, frère, je viens nous aider. Mon frère. Pour que cela soit vraiment pour que. Mon frère Yahoujou. Parce qu'on a une fois essayé cela, vraiment, ça a créé les autres. Mon frère Yahoujou, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui détourne les regards des gens? Je ne sais pas, c'est mon frère. Je vais écouter la question. Je crois que le frère Yahoujou, la prochaine fois, arrange-toi à avoir une bonne connexion pour qu'on partage bien. Parce que quand c'est comme ça, quand c'est décousu, c'est pas bien. On aurait dû toucher ces choses-là dans leur profondeur. Donc je disais, qu'est-ce qui, selon toi, empêche les gens de regarder au Seigneur Jésus en Côte d'Ivoire? C'est pas bon. Vous avez entendu ce que le frère a dit de parler, n'est-ce pas? Oui, frère. Oui, voilà, je crois que la plupart. Voilà. Parce que j'ai constaté qu'à chaque moment qu'on se réunit, même. Ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, je vais vous dire quelle est la source, quelle est l'origine de ces problèmes-là. Et vous allez voir en réalité que c'est quelque chose de. Bon, voilà. Je vais vous dire cela la prochaine fois. Et on va voir cette année, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un encore a-t-il des questions? Amen, mon frère. Amen. Des questions? Le frère Jacques, ton micro est fermé. Le frère Achille, ton micro est ouvert. Il ne sait pas ce qu'il fait, le frère Achille. Son micro est ouvert depuis. Le frère Jacques, tu nous entends? Oui, je vous entends. Maintenant, parle-nous de Lomé au Togo. Merci frère, merci à toutes les soeurs. Et nous avons au Togo ici un problème de rencontre. Je n'arrive pas, je ne sais pas, j'aimerais savoir comment on peut se prendre au Togo pour pouvoir se réunir dans les médias. Parce que ce sont les dénominations vraiment qui nous... qui abondent. Il n'y a que des dénominations. Et ça fait que les rencontres, les discussions entre frères, entre sœurs, c'est très compliqué. Regarde mon frère Jacques. Donc maintenant... Frère Jacques. Oui. C'est ce que le frère Yahou vient de poser là comme problème et d'autres problématiques qui se trouvent dans l'église. C'est ça que tu veux chercher aussi de là-bas à Lomé. Lorsque vous sortez des dénominations, laissez Dieu vous nettoyer d'abord. Ne soyez pas pressé de vous réunir dans la maison. Sinon, vous allez rentrer dans la maison pour aller répliquer ce que vous avez eu dans la dénomination. Laissez le Dieu vous nettoyer. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, là jusqu'au verset 17, il a dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, sortez du milieu d'eux et allez dans la maison de tel. Il n'a pas dit, sortez du milieu d'eux et allez vous réunir ainsi. Donc, vous avez une responsabilité. Quand, lorsque vous sortez, permettez au Seigneur de vous accueillir. C'est-à-dire, vous nettoyer et de faire de vous, effectivement, le vase qu'il veut. Ces temps-ci où vous sortez, ça va permettre comme si vous êtes sevré de quelque chose, comme si vous êtes, quelque chose vous manque. Vous pouvez arriver au moment où vous allez croire, peut-être que vous êtes des païens, ou bien vous avez fait naufrage à la foi. Non, c'est normal. Il faut ce temps de nettoyage, d'accord? Donc, si vous sortez des dénominations, vous ne comprenez pas qu'il est nécessaire que vous soyez nettoyé des déchets issus de ces dénominations. Vous allez rentrer dans la maison, vous allez réunir. L'un va sortir des missions de plein évangile, l'autre sort des églises rachetées, l'autre sort de l'église catholique, l'autre sort des protestants. Vous allez aller là-bas sans que vos doctrines que vous avez eues là-bas, qui sont fausses d'après la Bible, soient nettoyées. Quand vous allez aller là-bas, quand celui des rachetés va vouloir parler, tu vas dire non, je ne suis pas d'accord avec toi là-bas, vous allez continuer le communisme là-bas. Or, si vous êtes devant le Seigneur, que le Seigneur vous nettoie, vous présente les saintes écritures, le Saint-Esprit vous guide, quand vous allez vous réunir selon le Seigneur, vous allez parler un même langage, langage de la Bible. Donc ne cherche pas là où tu vas te réunir. Cherche le Seigneur. D'accord? Cherche-le. Reste avec lui jusqu'à ce que il finisse son œuvre au travers de toi. Il va te conduire. Quand le moment viendra, il va te conduire vers ceux qu'il s'est choisi. D'accord, mon frère? Un bonsoir particulier à ma soeur qui est à côté de toi. Ton micro est encore touché. Touche ton micro, le frère Jean. On ne vous entend pas. Essaye de parler encore. Touche ton micro. Touche ton micro. Vous l'entendez, frère Eden, vous l'entendez? Voilà, donc personne n'entend. Oui, on entend ici, frère Jean. Voilà, là maintenant c'est bon, frère Jacques parle. Jusque là, c'est son micro est fermé. Vous voyez, ton micro est fermé, si tu nous entends. On ne t'entend pas, personne ne t'entend. Quelque chose s'est passé, tu as touché quelque chose là-bas, ça ne parle, on ne t'entend pas du tout. Le frère Achille Nda, ton micro est ouvert depuis et ça fait que le son ne soit pas bon, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si tu nous entends, ton micro est ouvert. Oui, le frère, je vous entends. Oui, mais ferme ton micro parce qu'il y avait du bruit qui sort de chez toi. Alors, le frère Jacques, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton micro tout à l'heure ça donnait? Le frère Espérance, c'est comment? Vous êtes fatigué déjà de la réunion? Ça fait presque 2 heures de temps que nous sommes ensemble. La soeur qui est au milieu là, qu'est-ce que le docteur a dit? Concernant la santé, quoi. C'est de ça dont je parle. Si c'est. Le docteur m'a dit la bouche parce qu'il y a une diabète. Et n'est pas de mémoire. C'est ça. Fuite de mémoire. Fuite de mémoire. Et puis je n'ai pas cancer. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne t'inquiète pas, d'accord? D'accord. Ne t'inquiète pas. C'est que tu as d'accord, regarde, ce n'est pas grave. Ce n'est pas encore grave. D'accord? On va remercier le Seigneur pour voir sa direction. Le frère Jacques, est-ce que tu es avec nous? Tu nous entends maintenant? Essaie de nous parler. Alors, ma soeur, là, est-ce que tu... Bon, le frère Jacques, parle-moi. Bon, si je crois que son micro a des problèmes, débranche, si tu débranches totalement, si tu es sur le téléphone, tu débranches et puis tu reconnectes. Le frère Thierry, ça va? peu. Je crois que tout ce silence radio, je crois que c'est la Côte d'Ivoire. Ce soir, si c'est bon, non? Le frère Junior, on attend bien. On attend bien. Mais le vrai problème, c'est que ceux à qui il veut parler, personne ne veut parler. Oui, frère Achille, parle-moi. Bon, le frère Junior, je voulais comprendre dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 3, une phrase. Oui. On dit, oh, Satan entra dans Judas. Oui. Oui, je veux comprendre ça. Franchement, je n'arrive pas à bien comprendre. Je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas, mais bon, je me dis que Satan, c'est un archange. Oui. Qui entre dans un être humain. Oui. Et je me dis, oui, je veux comprendre ça, comme si c'est possible, quoi. Allons dans Marc, chapitre 5. Ok. Ok, Marc, chapitre 5, oui, je suis là. Il est à partir du verset 1. Il arrivait sur l'autre rive de la mer dans le pays de Guérénasien. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au devant de lui. Il avait sa demeure dans le tombeau et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu des chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accouru, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne te tourmente pas. » Car Jésus lui disait... Ne nous tourmente pas. Oui, c'est ça, ne nous tourmente pas. Car Jésus lui disait, « Sois de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le suppliait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il avait là, près de la montagne, un grand troupeau de porceaux en train de paître. Et les démons suppliaient Jésus en disant, envoie-nous dans les porceaux afin que nous entrions en eux. Stop là-bas, mon frère. C'est bon. Je te pose donc la question. Les démons, c'est qui? Ce sont des anges, je crois, des anges régités par Dieu. Ok. Combien il y en avait-il dans cet homme-ci à peu près, aux environs? Aujourd'hui, plusieurs. Il y a presque 6000. C'est ce que la Bible dit, non? Oui. Dis-moi comment, parce que toi tu parlais, on a dit dans Luc chapitre 22, là, 3, que oh, Satan entra dans Judas. Lui, il est entré seul. Ici, il y en a 6000. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, c'est ça que je veux comprendre. Tu veux comprendre quoi aujourd'hui? Mon frère. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Bon, je veux savoir si c'est possible. Un homme soit ma connexion. Merde. On t'entend, mon cher frère, on t'entend. Oui, effectivement, je vois ici qu'il y a plusieurs démons dans un corps. Ok, là, je pose la question. Ça, c'est dans le corps humain. Là, tout à l'heure, il demande à Jésus de lui permettre d'entrer plutôt dans le port. Ils sont entrés dans le port, dans presque 2000 ports qui étaient là-bas. Ils sont allés dans le pente escapé, ils sont noyés. Donc, ils sont sortis du corps humain, entrés dans le corps. Donc, les démons peuvent être entrer dans le matériel, des choses inanimées, comme la chaise, le bâton, l'arbre qui est vivante, ainsi de suite, n'importe quoi. Même dans l'eau, ils peuvent y être. Tu as compris, mon cher? Oui, mon frère. Je comprends ça mieux maintenant. Donc, ce sont les esprits impurs. Le problème, c'est que l'ange ne peut pas prendre le corps de quelqu'un. Tu comprends bien cela, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont la nature de Dieu encore, ceux-là. Alors que ceux-ci sont déchus. Et ils ont pour nourriture, nous, les êtres humains. Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Tu mangeras tous les jours de ta vie. Ah, ok, ok. Ok. Des questions? Oui. Donc, la soeur que je vois au milieu ici chez le frère Paul, là, c'est à toi que je parlais. J'ai dit qu'est-ce que le médecin a dit, n'est-ce pas? Ouvrez le micro là-bas, je cause avec cette soeur. Le frère Achille, c'est bon? Oui, ça va. Voilà. Merci. Donc, laissez-moi parler avec cette. Je reprends le micro, docteur, qu'est-ce qu'il a dit? Non, attendez. J'ai dit, c'est à toi que j'ai parlé, que le docteur, c'est toi, c'est celle que je vois au milieu là. D'accord? C'est à toi, j'ai dit, qu'est-ce que le docteur t'a dit, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, quand le docteur t'a dit ça, depuis comment tu dors par rapport, je parle du songe maintenant. Entre les songes là. Oui. Bon, un jour, quand j'ai rêvé, il y avait deux serpents qui étaient sortis de ma bouche. Oui, tu as besoin de délivrance parce qu'il y a des choses dans ton ventre, justement. Les deux serpents là. Tu veux pas qu'ils sortent? Hein? Tu veux pas qu'ils sortent? Toi, si tu veux pas qu'ils sortent. Je veux qu'ils sortent. Oh, le frère Serge. Je suis là. Tu peux me dire ce que tu crois de la parole de Dieu avec celle-là à côté de toi maintenant? Je n'ai pas bien saisi la question. Tu crois que le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Oui, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Regarde cette soeur-là. Tu regardes ce qu'il y a dans son ventre. Tu ne penses pas que toi, tu peux prier pour elle alors que nous sommes ici présents là maintenant? J'y crois. Tu crois. Madame, lève-toi. Voilà. Mon cher Serge, tends la main au niveau de son ventre là. Tends-lui la main. Va à son côté droit. Traverse, tu vas du côté de son côté droit. Frère Serge, va du côté droit. Traverse là, de la table là, oui. Non, frère Paul, espérant, tu ne peux pas quitter là-bas parce que celle-là, elle ne doit pas avoir mal. D'accord? Voilà, reste là, tu la soutiens. Faites attention maintenant. Et vous qui m'écoutez maintenant, vous de la Côte d'Ivoire, vous tous qui m'écoutez, vous êtes sous l'influence de cette voix, écoutez maintenant. Et quel que soit ce qui vous dérange, maintenant je commence. Celle qui est du côté du Togo, le mur. Ah mon Dieu. Le frère là, bon, le frère Jacques là, la femme qui est à côté de toi. Frère Serge, tends la main sur le ventre là, cette femme, tends-lui la main. Oui, tends la main comme ça. Voilà, c'est bon. Sur son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui résides dans le ventre de cette femme. Allez. Fais attention qu'elle ne se fasse pas mal. 1, 2, 3. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton œuvre est dénoncée dans sa vie. Quitte la vie de cette femme maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le frère Jacques, ton micro est ouvert. Ferme ton micro pour le moment. On n'en a pas besoin maintenant là. Il faut que cette femme-ci. Frère Serge, toi, qu'on soit concentré là-bas. Le frère Jacques, ferme ton micro. Frère Serge, vous m'entendez, n'est-ce pas? Voilà. Pour vous, le micro, laissez ouvert. Frère Jacques, de côté de Lomé, ferme le micro. Je vais revenir à vous avec la soeur qui est derrière toi. C'est désagréable. Le frère Jacques, coupe ton micro. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, esprit de serpent. Oh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Lâche-la maintenant. Demandez au frère Jacques, écrivez-lui en offre qui ferme son micro, s'il vous plaît. Il faut qu'on en finisse avec cette femme-ci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de ténèbres qui règne dans la vie de cette femme, toi qui habites son ventre, je te commande de sortir maintenant. Je te commande de sortir maintenant. Toi-même, frère Serge, prends sa main droite, tu mets sur son ventre et puis tu laisses sa main sur son ventre. Prends sa main droite, tu mets sur son ventre, tu laisses là-bas. Enlève ta main. Mais tends juste la main seulement ta main. Faites attention, il faut que ces choses qu'il voit dans son ventre la sortent. Le frère Olivier Angora écrit à frère Jacques plutôt en neuf dans son box d'écrit, et si ça vibre chez celui-ci. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Frère policier, c'est fait mal là-bas. C'est que tu vas faire des pompes avant de dormir là-bas. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi, puissance des ténèbres, ton œuvre est dénoncée. Ton œuvre est dénoncée. Ton œuvre est dénoncée. Ton œuvre est dénoncée. Je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon cher Jacques, demande à la femme qui est à côté de toi là, de se lever. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets ta main droite sur ton ventre également. Là, il y a un problème. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ton micro maintenant, Jacques. Ouvre ton micro. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De l'autre côté de Lomé. Ouvre ton micro. Celle-là, il y a... Voilà, maintenant. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que toute puissance des ténèbres qui régnait dans votre vie maintenant, je commande et je dénonce ces œuvres. Sors. Qui es-tu? Sors, soutiens-la. Doucement. Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est fort de l'autre côté de Lomé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère Jacques, demande-la, qui es-tu? Demande-lui, qui es-tu? Tourne-la, que ce qui est dans son ventre la sorte. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Chez le frère Paul Espérance maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, je commande que toute puissance des ténèbres qui régnait dans ton ventre te lâche maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon cher Jacques, mets ta main sur son ventre. Mets ta main. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette ténèbre, vous ne devrez pas marcher avec ça. Vous, esprit de ténèbres, je vous dénonce dans la vie de ces femmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Cette femme qui est debout, demande-lui de ne pas avoir peur. C'est contre la personne les personnes qui sont à l'intérieur d'elle que je suis en train de parler. C'est pas contre elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Maintenant, 1, 2, 3. Allumez. Je ne sais pas si ce micro s'est ouvert. Oh mon Dieu. Le frère Jacques, là, cette femme qui est. Tu m'entends là? Parle, j'entends. Parle, frère Jacques, parle. Il veut savoir si le micro est ouvert. Parle. Non, ton micro. Ton micro n'est pas ouvert. Bon, on ne t'entend pas. Je veux savoir ce qu'elle a dit, ce que cet esprit a dit là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande toute puissance des ténèbres qui régnait dans vos vies. Je commande qu'il sorte maintenant dans le ventre là. Dans le ventre. Sors. Sors. Maintenant, sors. Tu m'entends? Tu m'entends? Mon frère Jacques, laisse-la d'abord au sol. Laisse-la au sol. Tu regardes ce qui se passe avec ton micro. Je veux ton micro. Je veux ton micro parce qu'il veut commander, il veut parler là-bas. Sors. Fais en parlant. Quand ça va, quand tu vas parler, si ça passe, je vais te dire. Donc parle. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout poison que tu lui as donné, je commande que ça sorte maintenant. Tout poison que tu lui as donné, je commande que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Le frère Jacques, la présence est forte dans ton. Tu m'entends? La présence est forte dans votre maison là-bas. Ça, c'est fort là-bas. C'est vraiment fort de ce côté-là. Ouvre ton micro. Je ne sais pas ce qui se passe avec ton appareil. Ouvre ton micro. Il faut qu'on en frise là-bas. Au nom de Jésus de Nazareth. On ne t'entend pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Parle maintenant. On ne t'entend pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. La Sainte Christine, oui, c'est compris. Mets donc ta main sur ton ventre. La Sainte Christine, mets donc tes mains sur ton ventre. À toi. Merci, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ok, mon cher Jacques, mets ta caméra pour que je la voie au sol. Au nom de Jésus de Nazareth. Courage, d'accord? Voilà. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Pointe juste la caméra sur elle. Sors d'elle. Vous voyez ça? Ça, c'est le serpent, ça. Sors d'elle. C'est dommage, vraiment. Enlève, si tu as un écouteur là-bas, enlève l'écouteur sur le micro. Sur le micro là-bas. Sors d'elle. Sors. Vous voyez ce qui se passe? Frère Olivier ne crie plus là-bas. Sors. Là, sors-moi tout ce que tu as mis dans son ventre. Sors tout ce que tu as mis dans son ventre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne bouge pas. Sors. Ne bouge pas la caméra. Sors d'elle. Toi, puissant des ténèbres qui régnait dans la vie de cette femme, je te commande de sortir. Vous voyez ce que son corps fait là? Vous tous vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Vous voyez? Sors d'elle! Sors! Vomis-moi tout ça! Allez! Vomis-moi tout ça! Tout! Sors ce poison! Au nom de Jésus de Nazareth! C'est dommage. Frère Jacques, toi avec la caméra, mais ouvre-moi le micro là. Ouvre le micro. Ah mon Dieu! Ouvre ce micro. Ah mon Dieu. De l'autre côté, Abidjan, je commande au nom de Jésus de Nazareth que toi, esprit impur, tu quittes la vie de cette femme maintenant. Tu lâches ses entrailles. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère Thierry, coupe ton micro. Le frère Achinda, coupez le micro, c'est désagréable. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc, vous voyez, de l'autre côté de Lomé, on ne peut même pas ouvrir le micro. De l'autre côté, Abidjan, on ne peut même pas fermer le micro. Au nom de Jésus de Nazareth, toi, esprit impur, je te commande de sortir d'elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle. Lorsqu'elle va se lever après cette délivrance, tu demandes qu'elle détache ce qui est sur ses cheveux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Du côté d'Abidjan, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère Jacques, parle-moi. Le son s'y sort d'où? Allô? Oui, là c'est bon. Ne touche plus à rien. Maintenant, toi tu m'entends, n'est-ce pas? J'entends. Voilà. Rapproche ta caméra au dessus. Je vais voir son visage parce qu'il veut la toucher. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Toi qui es-tu? Qui es-tu? Je ne sais pas. Qui es-tu? Tu es un serpent de mer. Tu es un serpent de mer. Sors de cette fille. Oui. Tu habites dans la mer. Oui. Tu habites dans la mer. Sors d'elle. Oui. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors. Sors. Sors. Suivez-la qu'elle ne se fasse pas mal. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Oh là là. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Lâche cette femme. Lâche-la. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle. Tu ne dois plus sucer son sang. Elle ne t'appartient pas. Elle ne doit pas vous servir. C'est compris? Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Elle ne doit pas appartenir à votre secte. Elle ne doit pas vous servir. Je te commande de sortir d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche ses cheveux. Quitte ses cheveux. Quitte ses cheveux. Quitte ses cheveux. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est parti. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Vomis-moi tous tes poisons. Tes poisons que tu as mis là sont vains. Je te commande de la lâcher maintenant. Allez, c'est parti. Sors d'elle. Vomis-moi ça. Vomis ça. Allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dénonce tes œuvres. Lâche ses cheveux, lâche ses cheveux. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, c'est parti. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors. Sors de son ventre, sors de son ventre. Sors de son ventre. Remets-moi tout, tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, esprit impur. Tu ne dois plus habiter cette fille. C'est terminé. Je te commande de sortir. Sors d'elle. Sors. Sors. Sors. Sors. Lâche-la, lâche-la, lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Dites à l'enfant de ne pas bavarder. Quand on a été délivré. Nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, vomis-moi ça. Sors. Sors. Sors. Vomis tout, tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne dois plus rester. Sors, sors, sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, arrête là qu'elle ne se salisse pas avec ça. C'est désagréable ce qu'elle voit. Au nom de Jésus de Nazareth. Vomis-moi tout, tous tes poisons. Allez, au nom de Jésus Nazareth, dehors. Au nom de Jésus Nazareth. Vomis-moi tout, tout, tout. Je te commande de sortir de son système. Tout, tout, tout. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Vous voyez ce qu'elle vomit là, non? Vous voyez ça? Sors-moi tout, tout. Au nom de Jésus Nazareth. Tout. Toutes tes poisons, toutes tes substances. Je te commande, tu la laisses libre maintenant. Tu la laisses libre. Tu la laisses libre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, sors. Sors. Sors. Écoute bien cette voix. Sors, sors, sors d'elle. Sors tout, toutes tes poisons. Toutes tes poisons. Au nom de Jésus Christ. Allez. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Du côté d'Abidjan, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ton ventre également. Regarde ça, regarde, vous voyez ça, ça bouge là maintenant. Allez, quitte cette femme maintenant. Quitte cette femme. Sors d'elle. Oui. Sors. Oui. Sors. Oui. Sors. Oui. Tu sors d'elle maintenant. Oui, je vais sortir. Sors maintenant. Oui. Lâche-la. Oui. Tu as détruit sa vie, détruit sa famille, et tu veux qu'elle vous serve. Elle ne deviendra pas membre de votre clan. Elle ne servira jamais à votre but. Maintenant, lâche-la maintenant. Allez. Pas. Pas. Allez. Sors. Sors. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Oui. Sors. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Allez. Oui, je vais partir. Je ne veux plus revenir. Sors. Oui. Sors. Oui, nom de Jésus de Nazareth. Nom oui, de je vais partir, je ne vais plus sors revenir. Sors d'elle. Oui. Quitte son corps. Oui. Quitte son corps. Oui. Quitte son corps. Maintenant, lâche sa tête. Oui. Lâche sa tête maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Oui. 1, 2, 3, c'est parti. Sors d'elle. Sors d'elle. Vous voyez ce qu'il sort là? Vous voyez ce qu'il sort? Vous voyez ça? Sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous voyez ça? C'est Sors d'elle. Esprit impur. Sors tout. Au nom de Jésus. Sors d'elle. Lâche-la. Oui. Lâche-la. Nom de Jésus de Nazareth. Oui. Nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle. Sors d'elle. Oui, je vais partir. Sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, tu es libre. Appelle-la, frère Jacques, lève-la, elle est libre. Merci, Père. Oh, amen. Lève-la. Doucement, fais-la s'asseoir doucement. Doucement. Assieds-toi. Frère Jean, tu savais qu'elle avait des problèmes? Oui, je savais qu'elle avait des problèmes. Madame, ça va? Oui, ça va. Donne-lui quelque chose, et c'est sur le visage, et tu lui donnes de l'eau à boire, d'accord mon frère? Amen, merci. Doucement, vas-y doucement, dépose la caméra doucement, elle se repose. Maintenant, je suis habillé. La soeur José, ferme ton micro. Je t'ai parlé de Maria tout à l'heure là. Tu as dit que je ne comprends pas. Allez, du côté d'Abidjan maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de mort. C'est désagréable tout ça. La sœur Audrey, coupe ton micro. Alors, le frère Jacques, ça va là-bas? Oui. Ça va, frère. Madame, comment tu te sens? Oui, je me sens libérée. C'est comme si tu es léger. Il y a quelque chose de lourd qui est sorti de mon ventre. Voilà. Maintenant, tu es libre au nom du Seigneur Jésus, d'accord? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire, merci Seigneur Jésus. Gloire à Seigneur Jésus-Christ. Gloire à son Saint-Nom. Merci. Merci Frère Julien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est ton jour aujourd'hui. Amen. C'est ton jour, d'accord? En tout cas, c'est ton jour. Quand on a commencé à prier pour ceux de la Côte d'Ivoire, c'est venu vers toi, vers Lomé. Ça t'a trouvé là-bas, n'est-ce pas? Tu as senti ces choses partir pour courir quand tu as entendu cette voix-là, n'est-ce pas? Oui. Et la chaleur a commencé à l'intérieur. Oui. Ça montait doucement. Maintenant, tu es libre. Tu es libre maintenant. Maintenant, allez vous reposer. Coupez le micro, coupez tout. Vous allez vous reposer le temps qu'il prie là-bas, d'accord? Allez remercier le Seigneur dans votre chambre, d'accord? Amen. Dieu te bénisse beaucoup, frère. Je te bénisse. Que beaucoup. Dieu vous bénisse. Vous également. Raccrochez. Vous raccrochez. Vous comprenez là-bas, d'accord? Oui. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, nous sommes à Abidjan maintenant. Je commande, toi puissant des ténèbres qui règnes sur cette femme. Tu es un esprit de mort et de serpent. Je vous commande de quitter sa vie maintenant. Je vous commande de quitter sa vie maintenant. Sœur Audrey, ferme ton micro. Je vous commande de quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne regardez pas l'aspect physique de ce que vous en avez de voir. Au nom de Jésus de Nazareth, quitte son ventre. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, toi puissant des ténèbres, tu entends bien cette voix. Je te commande de sortir de cette femme maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois d'elle. Sois d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la plante de ses pieds jusqu'à sa tête, je te commande de lâcher prise maintenant. Ta puissance que tu avais parsemée dans son corps, je l'ai détruit au nom de Jésus. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, puissant des ténèbres qui règne dans la vie de cette femme, je te commande maintenant de quitter. Toi, esprit de mort et de serpent, je te commande de quitter. Sors d'elle. Sors. Fais attention maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Fais attention, ça doit tourner dans son corps. Ça tourne là-dedans. Ça tourne. Qu'il ne se fasse pas mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors maintenant. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Il dit, mais fais attention, vous là, les hommes là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parti. Lâche-la. Non, tu ne peux pas résister. Ça ne peut pas se faire. Je te commande de la lâcher maintenant. Je te commande de la lâcher. Allez, allez, allez, allez, allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Tu la quittes, tu ne peux pas résister. Je te commande, tu entends bien cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth, allez, au sol, aïe, aïe. C'est parti, fais attention maintenant, fais attention. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Au sol, c'est parti, tu la lâches, tu la lâches, tu la lâches, tu la lâches, tu la lâches, c'est parti, c'est parti, ah, c'est parti, c'est parti, c'est parti, tu la quittes, tu la quittes, tu la quittes, tu la quittes, tu la quittes, tu la quittes, allez, allez, sors, sors. Sors! Sors! Allez, allez, doucement, doucement, tu ne lui fais pas mal. Tu ne lui fais pas de mal. Tu ne lui fais pas de mal. Lâche-la! Lâche-la! Lâche-la! Tu quittes cette femme. Tu quittes cette femme. Toi, puissant des ténèbres, qui règne dans la vie de cette femme, je t'en donne au nom de Jésus que Nazareth de la quitter. Allez! Sors! Sors! Sors! Tu ne dois plus rester. Tu ne peux plus rester. Tu ne dois plus rester et tu ne peux pas résister. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son dos. Quitte son dos. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Faites attention qu'elle ne se fasse pas mal, s'il vous plaît. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous voyez ça? Au nom de Jésus de Nazareth. Sors! Sors! Ne la touchez pas. Sors! Soutenez-la seulement. Si elle veut se faire du mal, ne la touchez pas. Sors! Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a quelque chose qui s'ouvre dans votre salle là maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte. Quitte sa poitrine. Quitte son dos et son ventre. Terminé. Tu n'as plus le droit de citer dans son corps. Sors! Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth. Sors! Sors! Sors! Allez, c'est parti! C'est parti, c'est parti, c'est ton problème maintenant. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Terminé, terminé, terminé, terminé, terminé, terminé. Odel, Odel, puissance des ténèbres. Odel, Odel, sors, sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Tu quittes son corps. Tu quittes son corps. Tu quittes son corps. Je t'ordonne. Tu quittes son corps. Je t'ordonne. Tu quittes son corps. Tu quittes son corps maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Allez. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors d'elle. Tu entends bien cette voix. Sors d'elle. Sodel. Sodel. Sodel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, cette main droite là sur sa tête, dépose sur sa tête doucement. Dépose sur sa tête doucement. Doucement, c'est bon. Dépose. C'est bon. Merci, Père. Allez. Au nom de Jésus-Christ. Toi, puissant des ténèbres. Toi, esprit impur. Sors. Sors. Sors. Qu'elle ne se fasse pas mal, s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Allez. Sors. Tu entends bien cette voix. Tu n'as pas le choix. Sors. Sors. Fais attention là, même si elle secoue. Sors. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Entends bien cette voix. Au nom de Jésus Nazareth. Sors. Sors. Sors. Ne craignez pas. Vous ne craignez pas. Sors. Au nom de Jésus Nazareth. Allez. Sors d'elle. Sors. Sors. Lâche-la. Tu ne dois plus rester dans son corps. C'est terminé. C'est terminé. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Allez. Pas maintenant. Au nom de Jésus. Ce qu'on ne t'appartient pas, tu ne dois plus la réclamer. Allez. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth, pars. Tu pars maintenant. Allez. Non. Tu pars maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. Tu pars. Sois d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Maintenant, enlève la main sur ta tête. Laisse. Enlève la main sur ta tête maintenant. Laisse-moi toucher. Merci, Père. Voilà, reste juste comme ça, mon frère. Ne bouge pas. Sors. Sors. Sors, sors. Sors. Et que ton ventre s'ouvre. Que ton ventre s'ouvre. Que ton ventre s'ouvre. Que ton ventre s'ouvre. Que ton ventre s'ouvre. Que ton ventre s'ouvre. Que ton ventre s'ouvre. Que tout ce qui t'est attaché soit détaché. Tout ce qui t'est lié soit brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma chère Christine, dans ton ventre, que ton ventre s'ouvre. Que tes entrailles s'ouvrent. Que ton ventre s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Quitte ces femmes. Quitte-la maintenant. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois d'elle, sois d'elle. Sois d'elle, sois d'elle, sois d'elle, sois d'elle. Sors d'elle. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Tends-moi tes mains. Tends-moi tes mains ici, madame. Tends les mains ici devant. Tends les mains. Tends les mains. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez. Dans tout ton corps maintenant. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans tes mains. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Dans tes mains, ça monte. Au nom de Jésus Nazareth. Allez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Soutenez-la. Vérifiez, vérifiez, vérifiez. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Toi, esprit méchant. Toi, esprit méchant, tu veux tuer cette femme. Elle ne t'appartient pas. Tu veux la tuer. Tu veux la tuer. Tu veux la tuer. Elle ne t'appartient pas. La victoire appartient au Seigneur Jésus. Tu la quittes maintenant. Tu la quittes. Tu la quittes. Allez, pars maintenant. Pars maintenant. Allez, pars maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Pas. Allez, c'est parti. C'est parti. Tu lâches tous ses membres, tout son corps. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Son corps n'est pas ton tabernacle. Son corps n'est pas ton tabernacle. Tu la lâches maintenant. Tu la lâches maintenant et tu pars. Allez, c'est parti, c'est parti. Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois d'elle, sois d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois d'elle. Sois d'elle. Sois d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, allez, allez, allez, allez. Lâche cette femme. Lâche cette femme, toi, puissant des ténèbres. Toi aussi, lâche-la maintenant. Toi aussi, lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Frère, cherche-lui l'eau maintenant. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute la création t'adore. Dieu le véritable au-dessus de tout. Alléluia, amen, alléluia, amen.